Salut, salut, ça va? Salut. C'est sa deuxième émission. Il est tout jeune, il est beau, il est bronzé. Il va bientôt retourner à l'école. C'est Thomas. Ça va, Thomas? Ça va très bien, oui. Il est, alors du coup, il est moins jeune. Il est un peu plus moche. Vous enlevez tout ça. Il est un peu moins bronzé et il va pas retourner à l'école. Si, c'est Adrien. Si, peut-être. Si. Ça, mon petit. Si, peut-être. Inch'Allah. Que les derniers papiers soient signés, sous réserve des signatures. Merci, c'est bon. Ça va voilà, aller tout. C'est bon, le suivant, c'est Enzo. Ça va, Enzo? Ouais, ça va, nickel. Nickel. Ouais. Demain, 8h au mail. C'est ça. Tout va bien se passer. Le 1, 2, 3, 4, 5e. C'est Cyril. Salut Cyril. Salut tout le monde. Cyril, première semaine de taf. Ça s'est bien passé? C'est difficile. Tu sens dans la voix que le gars il est quand même pas très bien. Le sixième, c'est Marc. Il est parti faire je sais pas trop quoi. Il va arriver dans quelques instants. Et à noter aussi que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag DirectGA. On a mis aussi un petit post sur Facebook. Donc si vous avez des questions, nous posez en direct. Si vous n'êtes pas présent sur le chat ou sur Twitter, vous pouvez aussi poser vos questions en dessous du post. Parfait. On accueille nos amis du chat. Salut à vous. Ça arrive petit à petit. C'est en train d'arriver. On a Lucas en studio également. Salut Lucas. On te fait un petit coucou amical. C'est en train d'arriver. Puis ça va arriver petit à petit au fur et à mesure. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, Nicolas Paolo Orsi dans quelques instants, de RMC pour parler avec nous de l'actualité du club. On enchaînera sur, pas Mariupol, Thibaut. La Gantoise. La Gantoise. Voilà. Les Girondins hier qui, dans la douleur, sont allés chercher un petit match nul qui, comme nous l'espérons, Cyril, lundi dernier, n'hypothèque pas les chances de qualification au match retour. Ça sera sans Jules Koundé, on y reviendra évidemment. Ouais. Et puis si quelqu'un qui se rend a compris pourquoi il se fait expulser, vous m'expliquerez, parce que moi j'ai pas compris. On parlera de Monaco, de notre prochain adversaire Monaco qui va se présenter assez diminué à Bordeaux. Je vous ferai la liste des absents monégasques pour ce match. On parlera évidemment des transferts. On est le 24 août, il reste pile poil 4 et 7, 11, c'est ça. Pile poil une semaine et 4 heures, même pas 3h51. Pour boucler le mercato, avec ou sans Thierry Henry, ça on le saura je pense d'ici ce week-end. Ça va être chaud, on a une semaine là les enfants qui nous attend. Si jusqu'à présent vous en aviez pas assez. Avec une élimination jeudi prochain et une défaite. Oh. C'est Henry qui dit au revoir. et on se retrouve avec Pascal Duprat. Voilà. Oh, Thibaut, t'es rude. Non, je déconne. Ou tout l'inverse. On va gagner, les gars. Henry qui signe et sa première victoire jeudi. Voilà. Allez, magnifique, au stade. On attaque magnifique directement cette émission avec notre invité du soir au téléphone. Il est la voix bordelaise des soirées foot d'RMC. C'est Nicolas Paolo Orsi. Bonsoir, Nicolas. Salut les gars, salut à tous. Désolé, je suis dans le bus, j'espère que vous m'entendez bien. Il n'y a pas de souci, si t'as payé ton ticket, tout ira bien. Bien sûr, à 70, ça a augmenté, faut se méfier. Les prix ont augmenté, mais c'est la rentrée. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait très plaisir. Merci à vous. On va aborder avec toi évidemment la situation du club, le mercato, un petit peu tout ce contexte un petit peu en ce moment, et on va commencer surtout par ce qui a mis Bordeaux au centre du monde médiatique depuis quelques jours, c'est la probable venue de Thierry Henry en tant que coach des Girondins de Bordeaux. On aura une réponse peut-être d'ici la fin du week-end. Ouais, complètement. On a une réponse d'ici la fin du week-end. Enfin, en tout cas, officiellement, les Girondins de Bordeaux ne peuvent pas communiquer jusqu'à ce mardi. Gustavo Poyet a été reçu ce matin en voyant par le dirigeant Stéphane Martin, le président des Girondins. Et en fait, juridiquement, il faut un délai de 2 jours ouvrables de travail avant que Poyet soit officiellement licencié. Ce qui nous amène donc à samedi, ça c'est un jour de travail ouvrable. Dimanche n'est pas considéré comme un jour de travail. Et donc lundi c'est un jour de travail ouvrable. Donc officialisation rendue possible ce mardi. Donc il ne faut pas s'attendre à une communication du club, à une sortie d'un dirigeant avant mardi. Puisque juridiquement sinon ils peuvent se faire attaquer par le clan Poyet. Ce qu'on sait, nous, et ça on peut vous le dire, on l'a révélé sur RMC, c'est que les négociations sont super bien avancées entre Thierry Henry et les Girondins, et surtout JSP, parce que Henry était d'accord avec Antis depuis quelques temps. Ça y est, il s'est mis d'accord avec JSP. Il a surtout obtenu des garanties au niveau du mercato, et notamment le fait de faire un ou deux joueurs d'ici la fin de ce mercato estival et lors du prochain mercato hivernal. Donc voilà, les Américains lui ont donné pas mal de moyens, en plus d'un contrat longue durée. C'est pour ça que Thierry Henry s'engage. Et visiblement, au niveau du salaire, ça a vraiment pas été un problème, puisque Henry ne vient pas à Bordeaux pour des conditions salariales élevées. Il vient vraiment pour le challenge et la perspective de pouvoir coacher un grand club en Ligue 1. Donc c'est très très bien parti. On peut pas dire que c'est fait, mais en tout cas les dirigeants sont plutôt optimistes sur le dossier. On peut imaginer que bonsoir. On peut imaginer que Bordeaux recrute ces joueurs là avant que Thierry Henry arrive et que ça soit l'une des conditions à la signature du contrat, où il sera là tant même si les recrues ne sont pas là, elles là. Salut. Ouais, bah écoute, c'est un peu compliqué à dire. Les dirigeants sont déjà avec Thierry Henry en train de plancher sur certaines pistes au niveau du mercato. C'est compliqué de vous révéler des noms dès à présent, mais en tout cas ils sont déjà en train de travailler, même si Thierry Henry n'est pas officialisé, ce n'est pas pour ça qu'il ne travaille pas avec les dirigeants. Donc il se peut que des joueurs arrivent avant Thierry Henry, puisqu'on rappelle que si Henry arrive le mardi, on sera déjà le 28 août, donc il restera 3 jours avant la fin du mercato, ce qui risque d'être un peu short. Donc la cellule de recrutement et les dirigeants sont déjà en train de s'activer. On parle d'un avant-centre, ça c'était déjà la priorité des Girondins avant Thierry Henry, ou qu'il y ait Thierry Henry ou pas, c'était la priorité des Girondins de Bordeaux, un avant-centre plutôt costaud, que Stéphane Martin appelle un target man, c'est-à-dire un mec capable de jouer en pivot, de dévier des ballons. Et puis on parle plus d'un milieu créateur, et ça serait plus un souhait de Thierry Henry lorsque il a regardé ses équipes jouer. On parle d'un milieu créateur qui pourrait renforcer les Girondins, ça c'était pas forcément dans la feuille de route. Voilà, difficile de vous donner des noms pour le moment. Dès qu'on en aura, bien sûr, on vous communiquera les noms, mais ce qui est sûr, c'est que les dirigeants là sont vraiment en train de travailler dès à présent sur le projet Thierry Henry. Cyril. Nicolas, moi j'ai une question sur le staff. Alors ouais. RMC, vous avez relayé le nom de Gilles Grimandi, mais Grimandi ouais. N'a aucune expérience sur le banc. Est-ce que c'est un adjoint ou est-ce que c'est quelqu'un qui va faire des analyses vidéo? Est-ce que tu as d'autres noms? Moi je pensais, alors c'est une intu, c'est pas une info, mais c'est un souhait que j'ai. Moi quand je vois que Brice Morac, qui a été l'adjoint, enfin le premier entraîneur de Wenger pendant 21 ans à Arsenal et qui a été licencié en juin, je me dis ça pourrait être aussi une piste. Oui, ça peut être une piste. Alors on n'a pas eu ce nom, mais parvenu aux oreilles pour le moment. Tu parlais de la piste Grimandi, est-ce que c'est une bonne idée? Alors en termes de coach adjoint, je suis d'accord, c'est vrai qu'il n'a pas forcément d'expérience après Gilles Grimandi. En termes de réseau, sympa quoi. En termes de réseau, c'est une plus-value énorme. Est-ce que tu auras vraiment besoin d'un entraîneur adjoint ultra calé sur le sportif quand t'es Thierry Henry et que tu as très certainement Eric Bédouet qui risque de rester au club? Je suis pas sûr. Par contre, un Gilles Grimandi qui est capable d'accompagner les joueurs parce qu'il a vécu une expérience à Arsenal énorme, que ça a été un des hommes de base de Wenger, ouais. Après il est resté dans l'encadrement d'Arsenal avec Arsène Wenger, il va t'apporter des choses. Ce sera peut-être pas sur le plan sportif, mais en tout cas sur le plan du réseau, ça sera qu'une plus-value. Mais moi je pense que c'est une bonne idée, franchement. Est-ce que ça peut pas être un frein justement d'avoir un entraîneur novice et un adjoint novice? Parce que en gestion de après, vestiaire, c'est pas un adjoint novice par contre. En gestion de vestiaire, il n'y en a aucun qui a fait du management. Il a été adjoint quand même. Donc mais je suis d'accord avec toi. Si tu exclues le fait que Thierry Henry est une superstar, tout ce que ça va apporter niveau merchandising au niveau de Bordeaux, c'est un gros point d'interrogation au niveau sportif. Mais après, est-ce qu'il faut pas, quand t'es maintenant les Girondins de Bordeaux avec la concurrence qu'il y a en Ligue 1 au niveau des 4 équipes qui sont devant, Lyon, Marseille, Paris et l'OL, il faut tenter des coups comme ça. Henry, il va te ramener tellement de choses. Alors peut-être que sportivement, la patte Henry va avoir du mal à prendre. Peut-être qu'il y aura des ratés. Forcément, il n'a pas entraîné de club. Maintenant, je suis persuadé que Thierry Henry, c'est un dingue de foot. Et ça, il faut le savoir. Un fanat de foot, il mange des matchs comme personne. Donc, il s'est intéressé au jeu. S'il s'est senti prêt à se lancer dans une carrière d'entraîneur, c'est que voilà, il se sentait prêt à le faire. Grimandi, c'est pareil. C'est des mecs qui ont vécu des expériences dans les plus grands clubs européens. Alors peut-être que sportivement, tu n'auras peut-être pas les meilleurs techniciens du monde. Jean-Louis Gasset, l'homme de base de Laurent Blanc, c'était son cerbère au niveau technique. Mais par contre, ils vont t'apporter autre chose. Et en termes de management, je pense que Bordeaux n'aura jamais eu autant de compétences peut-être qu'avec Thierry Henry et Gilles Grimandi. Peut-être pas au niveau technique, mais au niveau réseau et tout ce que ça va apporter au club, peut-être dans l'arrivée de certains joueurs. on peut peut-être imaginer, je ne sais pas, mais des partenariats avec, avec Arsenal pour se faire prêter des jeunes joueurs, des joueurs qui ont peu de temps de jeu dans l'équipe première d'Arsenal. On peut tout imaginer. C'est quand même une plus-value énorme. Thomas ? Oui, bonsoir. En parlant de staff, pourquoi pas engager un directeur sportif et pourquoi pas prendre Wenger comme directeur sportif pour aider Thierry Henry dans ses choix en tant qu'entraîneur ? Ouais, salut. Bah, c'est vrai que c'est une piste qui a été évoquée. Alors, moi, sur RMC, on a pas eu ce nom-là. On nous a plus parlé de Jürgen Klinsmann. C'est vrai qu'il se dit que les Girondins de Bordeaux regardent un peu pour le poste de directeur sportif. Mais pour l'instant, c'est pas forcément la priorité. Alors, bien sûr, hein, si tu me dis, est-ce que les Girondins doivent prendre Wenger en directeur sportif, s'ils ont la possibilité de le faire, je te dis 100 000 fois oui. T'as Wenger et Henry, voilà. Maintenant, je pense que Henry va arriver dans un rôle de manager à l'anglaise. C'est ce qui est prévu. Il sera entraîneur, mais il sera aussi manager à l'anglaise. Ce sera lui qui aura véritablement la main sur le sportif. Au final, c'est pas un directeur sportif qu'il faut jouer en Bordeaux si on a un manager à l'anglaise. C'est plutôt une personne capable d'avoir un réseau, d'être dans une cellule de recrutement, mais c'est tout, quoi. Ouais, peut-être, parce que je me dis qu'il faut peut-être laisser, pour le coup, les pleins pouvoirs à Thierry Henry. En plus, on lui offre un contrat sur le long terme, tu vois, de laisser bosser pour le moment avec ses armes. Essayer de le laisser faire ce qu'il a envie de faire et de le laisser imposer ses idées et de pas lui mettre un manager dans les pattes. Maintenant, c'est vrai que du côté de Bordeaux et de l'encadrement, on s'est posé la question de savoir s'il fallait pas enrôler un directeur sportif. Bonsoir Nicolas, moi je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'organisation, parce que l'arrivée d'Henri va, enfin probable peut-être d'Henri, va nécessairement entraîner des changements dans l'organisation structurelle même du club. On a, par le passé, on a souvent laissé aussi le pouvoir aux entraîneurs à Bordeaux, sauf qu'il y avait toujours des rivalités internes, ou on va dire des freins internes qui bloquaient un petit peu le processus. Est-ce que vous avez eu des informations sur une éventuelle réorganisation du club qui, à mon avis, sera rendue nécessaire, obligatoire par les Américains? Alors, pour l'instant, aucune. Et c'est vrai que c'est un petit peu le gros point d'interrogation à Bordeaux, c'est que on ne sait pas du tout ce que vont vouloir mettre en place les Américains lors de leur arrivée, quels hommes ils vont vouloir mettre en place, et s'ils vont vouloir continuer avec l'équipe dirigeante en place, s'appuyer sur l'expérience même assez faible, mais d'un Stéphane Martin qui est maintenant au club depuis un an et demi, essayer d'imposer leurs propres hommes à la tête du club. Voilà, ça c'est vrai que c'est le grand flou, donc pour l'instant on n'a vraiment pas d'informations sur ça. Parce que le problème, il est là, c'est-à-dire que on peut mettre Henry, moi je suis tout à fait favorable à la venue de Thierry Henry, mais si c'est pour buter à chaque fois sur les mêmes écueils saison après saison depuis 10 ans, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que ce club, en fait, et ça c'est mon avis personnel, hein, c'est pas, mais voilà, est fracturé. On a l'impression que chacun un petit peu joue sa partition, il n'y a pas vraiment de cohésion d'équipe et d'équilibre. Quand Nicolas de Taverneau a fait remplacer Jean-Louis Triaud, il est arrivé avec un discours sur une volonté de changement, de restructurer profondément le club. Mais je pense que ça a changé, les gars. Je pense que ça a vraiment changé avec Stéphane Martin. Oui, ça a changé, certes, mais on l'a vu avec Gourvennec, on l'a vu avec Poyet encore. Même si les torts sont partagés, je pense, au niveau de pour Poyet, mais il y a quand même un problème de fonctionnement dans ce club. Et je pense pas que l'arrivée de Thierry Henry, sans rien changer autour de lui, ne va résoudre le problème de fond qu'a ce club aujourd'hui, qui travaille, mais on n'a pas l'impression que c'est très efficace. Voilà. On sait vers combien d'années de contrat on va vers Thierry Henry, parce que si c'est 4, ça n'a rien à voir, quoi. Non, j'ai pas d'informations sur le. On sait que c'est un contrat longue durée. Un contrat longue durée, je pourrais éventuellement en déduire, mais ça c'est vraiment très personnel, hein. J'ai pas d'informations, mais ça pourrait être un contrat de 3 ans. Voilà, 3 ans. Je pense pas plus, en tout cas. Voilà, je pense qu'un contrat de 3 ans, ça sera un beau contrat à longue durée, ça lui permettrait de mettre des choses en place, et après tu peux pas t'engager sur 5 ans avec un entraîneur, hein. Maintenant dans le foot ça va tellement vite, s'il y a une crise de résultats dans 6 mois, ça se trouve on sait pas ce qu'ils vont faire de Thierry Henry. Et on va rappeler quand même que quand tu signes un contrat à longue durée, si jamais ça se passe mal et que tu dois te séparer de l'entraîneur, au niveau des indemnités que tu dois lui donner, au salaire après, auquel il va émarger, allez, ça pique, hein. donc tu peux pas tout faire non plus, hein. Tu peux pas faire des contrats de 5-6 ans dans le foot avec des salaires comme ça, et surtout quand t'es Thierry Henry. Donc voilà, après vous parlez du problème structurel au Girondins de Bordeaux, c'est sûr que c'est pas un club où tout va bien. je pense qu'il faut aussi être conscient d'une chose, et je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier quand on suit les Girondins de Bordeaux, quand on est supporter, qu'on a grandi avec tous les résultats magnifiques qu'ont fait les Girondins. C'est surtout que la concurrence en Ligue 1, c'est extrêmement élevé en termes de niveau. C'est-à-dire que tu vois, il y a des équipes qui sont structurées, tu le disais, mais qui ont surtout eu des actionnaires qui sont rentrés au capital, on pense à l'OL, Marseille était repris par un Américain, voilà. Il y a des choses qui sont passées. Au Girondins de Bordeaux, c'était toujours M6 qui était aux commandes, là ils ont fait un choix de transition, ça va peut-être bouger les choses. Pour l'instant, Bordeaux est à sa place. Bordeaux arrive quand même à décrocher des qualifs européennes sur les deux dernières saisons, même si c'est très moyen au niveau du jeu, même si c'est pas forcément ce qu'on attend d'un club comme Bordeaux. Moi je pense que les Girondins sont à leur place. Alors c'est peut-être terrible pour les supporters, mais je trouve qu'ils font pas des si mauvaises saisons que ça. Après, au niveau style de jeu, là je suis d'accord, il y a beaucoup de choses à redire. Mais en termes de résultats, 6e chaque saison, pour l'instant, quand on voit le budget des Girondins, c'est encore le 7e budget de Ligue 1, là, les Girondins cette année, ils émergent à 70 millions de budget, même le LOSC hein, affiche un budget prévisionnel de 90 millions, c'est 20 millions de plus que Bordeaux cette année. Ouais, alors, alors qu'ils sont plombés par la DNCG, qu'ils n'arrivent pas à homologuer des contrats, mais sur les budgets initiaux qui sont affichés par la Ligue, le LOSC est à 20 millions de plus. Donc voilà, Bordeaux, c'est compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions cette année, hein. Nicolas, moi j'ai une question, c'est une question qui a été posée sur le chat. Est-ce que c'est le quid de Ramé, le fait qu'un directeur sportif arrive, ou est-ce que Ramé va être replacé au sein du club? C'est compliqué de dire qui va remplacer qui va partir, qui va rester. Franchement, c'est pas forcément pour remplacer Ulrich Ramé, parce que Ulrich Ramé, on peut lui reprocher certainement des choses au niveau du recrutement pour l'équipe professionnelle. Mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'il est directeur sportif des Girondins de Bordeaux et qu'il a énormément développé la formation. C'est en grande partie grâce à Ulrich Ramé, Patrick Bastiston, Yannick Stopira que les U19 champions de France en 2016 sont en train d'émerger en équipe première. Hein, sans oublier les féminines aussi. Hein, qui et exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, les féminines aussi. Alors après, au niveau de l'équipe pro, ça c'est un autre débat. C'est vrai qu'on peut dire que Ulrich Ramé, des fois, manque de réseau, il y a peut-être pas assez de grands noms. Ok, peut-être qu'un autre directeur sportif un peu plus clinquant pourrait ramener d'autres noms au Girondins de Bordeaux. Ça, c'est possible. Mais il faut pas y analyser le caramé juste sur l'équipe pro. Il a d'autres fonctions au club. Après, vous dire qu'il sera remplacé, peut-être. On se doute que les Américains vont arriver avec du monde. On sait qu'ils travaillent avec pas mal de gens qui sont influents dans le milieu du foot. L'agent Hugo Varela, il y a un ancien directeur commercial de Liverpool. Enfin voilà, il y a pas mal de mecs. Nicolas, font partie de cette aventure, donc voilà. Justement, il y a deux noms qui émergent fréquemment dans les coulisses. On entend souvent parler d'Alain Yacine et de Federico Peña. Est-ce que tu... Ils sont plutôt des plaies, on a l'impression à chaque fois en plus. Est-ce que tu as des infos sur eux, ou parce que Alain Yacine, j'ai jamais entendu parler son nom dans le milieu du football, donc est-ce que tu aurais des infos? C'est compliqué, vous savez, dans le milieu du foot. Il y a pas mal de gens qui gravitent autour des clubs, qui ont des intérêts dans les clubs, qui essaient de placer des joueurs, qui sont proches des joueurs, mais qui n'ont pas des licences d'agents. Le milieu du foot, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est sûr que ces deux noms-là ressortent autour des Girondins de Bordeaux. Après, vous dire exactement ce qu'ils font, quels sont leurs rôles, c'est compliqué de vous le dire. Mais voilà, dans le foot, je prends l'exemple d'un transfert, il y a souvent des intermédiaires qui viennent se greffer, on n'est pas au courant de tout. Et c'est sûr que ce sont deux noms, ce qu'on peut dire, influents autour des Girondins de Bordeaux. Donc c'est deux noms qui vont être fréquemment utilisés par les Américains? Pas forcément, j'ai pas d'infos à ce niveau-là. Je peux pas te dire que ce sont deux noms avec lesquels les Américains vont travailler à fond. Mais ce sont des gens qui gravitent autour du club et qui sont influents. Parfait, ben on va suivre tout ça là la semaine prochaine. Pour toi ça va être sportif, je pense. Ouais, y a moyen. Jusqu'à la fin du mercato, ça va être rock'n'roll. Merci beaucoup Nicolas. Ah oui, juste un dernier petit truc. Ouais. On a un petit garçon. On a un petit jeune en studio, il a 16-17 ans, il s'appelle Thomas et son rêve c'est de faire journaliste sportif. Ah bah c'est très bien. Juste c'est si t'as en une phrase, un truc, juste un conseil à lui donner. Quand même, le pauvre, on va pas le laisser comme avant de te laisser. C'est super dur, les gars, un conseil à donner. Non, mais il faut y aller à fond. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut y aller à fond. Voilà. Y aller à fond, pas se poser de questions et surtout travailler et faire des stages. Voilà. Faire des stages. Eh ben voilà, Thomas. Merci, t'as compris, tu vas en bouffer du stage. Ouais, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Allez, on te retrouve sur RMC pour commenter les matchs des Girondins. Bye. Merci, bonne soirée. Ciao. Merci. Messieurs, on va... Il a toujours plein d'infos, c'est intéressant. Il est sympa, que ce soit là ou que ce soit sur RMC, il a déjà une voix qui passe bien et il est toujours très intéressant, très captivant quand il explique les choses. Très agréable. Merci à lui. Merci à lui. Et vous pouvez retrouver évidemment l'interview. On vous la fera partager en podcast. Si vous l'avez loupé et que vous venez seulement de nous rejoindre avec 20h27, parfait. On va enchaîner directement, les enfants. Pour les auditeurs qui sont là et qui seront pas là à 21h30 quand on partira, on rappelle que dimanche, alors l'horaire restera déterminé, mais ça sera entre 19h et 19h30, prise d'antenne. Très certainement 19h30. Enfin, on va s'organiser, on va en parler entre nous après l'émission, mais il y aura une émission exceptionnelle dimanche après le match contre Monaco. On l'espère, pas une défaite, ça va pas nous plomber l'ambiance. Ah, un bon nul quoi. Ouais, pas, si on part un 4-0 quoi. Alors, on en reparlera lundi, mais un petit nul. Mais même un 4-0, c'est intéressant de faire un débrief juste après. Ouais, bien sûr. Ce serait pas que la même jour. Intéressant. Voilà, oui. Il y aura une émission derrière. Il y aura une émission derrière. Exactement, de combien de et temps on peut aussi nous retrouver au stade. On peut le rester au stade et on aura deux personnes qui seront au stade avec un téléphone pour vous faire réagir à l'antenne. C'est là où il faut qu'on fixe. J'allais dire, si vous voulez réagir en direct dans l'émission, vous pourrez retrouver. Alors qui encore? Bon, il y aura peut-être sûrement Enzo et on va choisir un deuxième qui aura pas de chance. Non, mais voilà, si vous voulez réagir, voilà, il y aura Enzo et Cyril. Vous pouvez, à la limite, vous nous contacter sur les réseaux. Vous dites voilà, j'aimerais après le match, j'aimerais intervenir dans l'émission. Hop, vous retrouvez. Et vous passerez en direct. Oui. D'ailleurs, si vous voulez parler de la suite du programme, vous n'hésitez 05 pas à le faire. 05 56 35 31 31. 05 56 35 31 31. Merci Cyril. Et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Direct. Allez, on enchaîne messieurs. Hier, il y a un truc, ça fait espèce de vieille pub bizarre. Mais oui, mais c'est ça que c'est bizarre. Bon. Je veux pas faire les annonces des lycées Moon un jour pour faire une connerie comme ça. Bonjour. Ah oui, oh oui, oh, il y a peut-être un truc. Allez, les enfants, on va se concentrer sur ce qui, c'est quand même un petit peu l'info de la soirée d'hier. C'est-à-dire, les Girondins qui sont allés donc chercher un petit match nul à l'extérieur pour le premier match. Ou qu'on ait la chance de repartir avec un match nul. Alors, dans le contexte actuel, je pense qu'on aurait tous plus ou moins signé pour un 0-0 vu les pronos qu'on a fait vendredi. Pour ne pas perdre. Et d'ailleurs, voilà. On rappelle juste aux auditeurs, parce que je suis en train d'y penser, faites vos pronos. Oui. Sur pronos entre amis avant que ça soit trop tard. Vous avez jusqu'à, il durera quoi du coup là, un quart d'heure avant le début de Marseille. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs le match du soir. On va le suivre en direct. C'est Lyon-Strasbourg. Sans Nabil Fekir d'ailleurs du côté lyonnais. Qui veut se lancer messieurs sur le match nul d'hier? Bon, lundi on était tous plus ou moins un petit peu finalement 0-0 marque dans le contexte actuel et avec le match retour à la maison. C'est pas moi. Alors, le résultat dans le contexte actuel, c'est mieux que rien. Dans le contexte actuel, on va largement prendre puisqu'on ne perd pas. On ne marque pas non plus. J'aurais préféré 1-1 à choisir. Mais par contre, en termes de contenu, juste le contenu. Oh putain. Non mais même pas qu'offensif. Alors, je pense que Leschfou qui a fait son pire match de l'année. Nos ailiers. Parlons du milieu de terrain. Parce que tout le monde a fait le pire match de l'année à part Costi. Ah ben je sais pas si tout le monde, mais alors le milieu de terrain, moi j'ai vu. Moi ce qui me dérange en fait, c'est pas juste le niveau des joueurs. C'est-à-dire que quand tu te jettes sur l'attaquant ou quand tu marches comme ça a été le 4-5 carré pendant 90 minutes, soit t'es crevé et tu le dis à ton coach et il te met pas sur la pelouse et on met quelqu'un d'autre, et soit t'es pas crevé et tu te bouges. Parce que le problème, c'est que le poteau qu'ils font par exemple, sans carré, il a juste une caméra dans la main quand il joue. Donc c'est tant mieux le résultat. J'allais dire sur positif. Ce match-là, qu'est-ce qui compte? C'est non, finalement mais non, pas parce que le résultat problème, sur un c'est match aller-retour. Le problème, c'est pas ça. Le beau jeu, on s'en fout. Non, mais le beau jeu, je m'en fous. Je te parle pas de beau jeu. C'est ça, encore une fois. Que Bordeaux soit resté à derrière, qu'on soit pas offensif, etc., qu'on joue le nul. J'ai envie de dire, j'ai pas envie d'avoir un débat spécialement là-dessus. Mais par contre, l'investissement des joueurs pendant 90 minutes sur ce match-là. Enfin, je veux dire, crise ou pas crise. Enfin, si vraiment ça te perturbe, qu'est-ce que ça devait être l'année dernière? Donc, arrive un moment, il faut jouer, il faut se montrer disponible pour son partenaire, il faut courir sur le terrain, il faut rester au marquage. Quand c'est la zone, tu filmes pas. Il y a eu un corner, le mec. Il est tout seul, sans carré, il a deux doigts de mettre un but contre son corps en plus. Enfin, stop quoi. Un minimum de concentration et il faut faire les choses comme il le faut. Parce que si tu fais le même match au retour, tu gagneras pas, même si t'es à domicile. Et en plus, domicile, je pense que le stade sera pas plein. Hein, donc, je sais pas si ça sera vraiment à domicile. On va continuer le débat avec Mickaël au téléphone. Bonsoir Mickaël. Oui, bonsoir à tous. Comment ça bonsoir. Va Mickaël? Bonsoir. Ça va impeccable. On espère avoir de bonnes nouvelles prochainement, mais les temps sont durs. Alors, tu voulais parler du match d'hier soir avec toi, Gaëtan, ou pas? Oui, je rejoins un peu Gaëtan. C'est vrai que quand on voit le contenu du match d'hier, alors je pense que Bédoué était déjà dans son match contre Monaco à essayer de faire un turnover. Il l'avait un peu annoncé en disant qu'il était malgré lui obligé de faire tourner et de mettre des joueurs qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Mais le contenu d'hier est plus que triste. Avec moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est ce milieu de terrain, parce que je trouve que défensivement, bon, on a été costaud. Koundé et Pablo derrière, c'est plutôt costaud. Pungi, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même, pour moi, c'est pas trop mal. Mais au milieu de terrain, Plasi, le Reger et Sankaré, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est des mecs, ils ont aucune créativité. Ça fait aucun décalage. Vous pouvez mettre n'importe qui devant, mais s'il n'y a pas de ballon qui arrive, là on aurait pu jouer 3 heures, on n'aurait pas eu une occasion. Ouais, après c'est vrai, ce qui était particulièrement agaçant, c'est de voir que pendant 45 minutes, le seul jeu de Bordeaux, c'était un jeu balancé des longs ballons devant. Surbrillant. Alors surbrillant, un coup brillant, un coup. Qui a fait ce qu'il a pu, pauvre garçon. Comment il s'appelle De Préville. Oui, De Préville. Donc forcément, ce jeu-là. Et puis à chaque fois qu'on essayait de passer par le sol, on avait l'impression que c'est une équipe qui était fracturée en trois, déjà qui jouait très bas, le bloc était très bas. Alors ça, je pense que c'était une consigne voulue pour éviter de faire un très mauvais résultat, de condamner l'équipe avec un but marqué, enfin un but encaissé plutôt. Mais le problème, c'est que quand on joue très bas, il faut aussi très vite se projeter vers l'avant quand on a la possession du ballon. Et c'est ce que malheureusement Bordeaux n'a pas su faire. Dans les phases de transition, on a été plus que limite. Tu parlais tout à l'heure du milieu de terrain, et c'est vrai que ce qui faisait la force du milieu de terrain bordelais, c'était cette capacité aussi de s'encarrer, de se projeter très vite vers l'avant. Ouais, mais c'était le seul, hein. Voilà, mais c'était le seul, mais hier il le faisait pas et ça s'est vu très vite. Plasi, à la récupération, ça a explosé comme contre Toulouse. Et puis le troisième, c'était les Ragueurs. Les Ragueurs, depuis qu'ils sont répétés, je crois qu'ils voient plus rien. Mais... Ouais, pour m'expliquer, le Rager, ce qu'il apporte, quoi. Il court de partout, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est surtout pas lui qui fait la transition entre la défense et l'attaque. Et c'est un mec qui, pour moi, est surcoté. Alors moi, j'aurais bien voulu voir un Tchouaméni. Je trouve que c'est un joueur qui a un physique hyper intéressant, éventuellement en sentinelle, pourquoi pas. Otavio, on le met au placard. Alors que il a fait quelques bonnes. Oui, il était sur le banc hier, mais effectivement je suis pas totalement d'accord sur les Ragueurs, parce que la saison dernière quand il joue avec Maïté à côté, tout le monde encensait les Ragueurs. Le problème de les Ragueurs, c'est qu'effectivement le problème de les Ragueurs, selon moi, c'est qu'effectivement son jeu consiste à être un chien fou, c'est-à-dire courir partout et gratter des ballons. Le problème, c'est que si à côté il a pas des joueurs qui sont capables aussi d'envoyer de l'impact et d'être présents dans les duels, ce jeu-là ne sert à rien. Alors après, on peut critiquer les Ragueurs parce qu'il est mono jeu. Enfin, il a qu'un seul type de jeu. C'est ça le problème, c'est qu'il ne sait faire que ça visiblement. Et quand il a pas les joueurs à côté qui mettent de l'impact et sont chargés de se projeter rapidement vers l'avant, et ça marche pas. Et aujourd'hui, voilà. Donc moi, je suis pas trop sévère sur les Ragueurs, parce que plus qu'un autre, mais il y a aussi des facteurs qui expliquent aussi la méforme de peu d'influence. Enzo, Michael, Michael et aux gens, ceux qui sont autour de la table aussi. Moi, je suis parti du principe, en fait, quand j'ai vu la composition, que Bedouin venait en fait pour limiter la casse et faire un match nul, et essayer de gérer le match nul, voire la victoire. On sait jamais, tu vois, une petite victoire, mais j'ai l'impression vraiment en fait qu'il venait en mode l'entraîneur va pas tarder à arriver, j'ai pas envie de le mettre dans les mauvaises circonstances, j'ai envie que quand il va arriver, au moins il y a un match nul et que tout reste à faire au match retour. Et je voulais vous poser une question là sur Bedouin, parce que j'ai lu ses dernières déclarations où on voit qu'il vit la situation un peu malgré lui. Je trouve que ça n'a pas été suffisamment relevé, mais il était presque à trouver des excuses à Gustavo Poyet en indiquant qu'il comprenait à demi-mot et que c'était pas si catastrophique que ça, sa sortie. Et je trouve que c'est la première fois que Bedouin, qu'on présente comme un bon petit soldat du club, montre vraiment des signes de lassitude. Et je pense que le groupe... je crois qu'on va avoir le quatrième entraîneur sur l'année 2018. On a l'impression que c'est un groupe qui est pas loin de l'implosion quand même. C'est pas vraiment être pro-Poyette ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Monsieur Bedouin n'est pas un entraîneur qui aime être dans la lumière, qui aime diriger. Il le fait pour le club, mais à contre-cœur. Et là, cette année, il le vit plutôt mal parce que c'est peut-être sa dernière année. Il a 62 ans, donc ouais. Il approche de la retraite. Et je pense qu'il s'en serait vraiment bien passé. Et c'est quelque chose qu'il fait pour le club, pour bien du club. Mais il faut bien comprendre que lui, il n'y prend pas de plaisir. Et je sais qu'il était extrêmement stressé hier soir et donc voilà, je pense qu'il voulait vraiment pas pénaliser le club et pas voilà, et je pense qu'il veut rester vivant à la fin du match. En parlant d'Éric Bédoué, moi il y a quand même un truc sur lequel je voudrais, par rapport au match d'hier, sur lequel je voudrais vous interroger, messieurs, puis Michael aussi au téléphone. J'ai une déclaration d'Éric Bédoué juste après le match de Toulouse en conférence de presse. Donc c'est voilà, c'est dans la foulée du match, il parle, il dit voilà, la chaleur, c'était pas possible de faire mieux contre Toulouse, blablabla. Une équipe physique, même si ce n'était pas si mal. Et là il dit, il va falloir faire tourner, même si ça ne plaît pas à tout le monde, sinon certains vont exploser. C'est des choix à faire. Donc moi, attendez. Donc quand moi je lis ça dimanche, je me dis bon, on va aller à la Gantoise, on verra peut-être pas Plasil, on verra peut-être pas le Rager, on verra peut-être pas Sankaré, on verra peut-être pas qui d'autre devant, peut-être pas Depréville, machin. Et au final, moi hier soir, sans déconner les mecs, oh, pardon, à part François Camano qui effectivement a tourné puisqu'il était sur le banc, je m'attendais à voir Palencia, Kalou, un côté droit qui, pour une première dans l'ensemble, a été très intéressant, très correct à Toulouse. Je ne les vois pas. Palencia, il était cramé après Ils Toulouse. On a pris un gamin de 19 ans qui, après avoir joué un match en Ligue 1, est cramé. Ça me sidère totalement. C'est son premier match pro. Ben oui. Après, il a quand même. Il a eu 5 gamins. Non, mais c'est son premier match pro. À un moment donné, la Liga B, c'est sûrement beaucoup moins intense physiquement. Que la Ligue 1. Après, et puis surtout qu'il s'est pris un client. Et alors, Gajic, on en fait quoi? Gajic. Ah oui, Milan Gajic. Non, mais à un moment donné, Palencia, ok, il est doué, on voit qu'il a du ballon, on voit ci, on voit ça. Mais à un moment donné, il jouera contre Monaco. Pourquoi? Oui, mais et c'est vrai, pourquoi tu le remplaces encore par un mec? Après, tout simplement, je pense que ce match-là, vu qu'il faut, il a joué à l'expérience. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que si tu écoutes ce qu'il a dit, contre Monaco, j'ai pas Plasil, j'ai pas Lohrager, et j'ai pas Sankaré. Donc il fait un milieu quoi, Otavio, Basic et Tchouaméni. Le problème, c'est qu'il peut. Ouais, mais il peut pas faire ça contre Monaco. Obligé, on est dans la, vu qu'on, dans la situation où on est aussi obligé d'aller chercher des points ce week-end. Donc, parce qu'on n'est toujours pas qualifié encore. Tu vas y arriver, je suis pas sûr. Ah, mais on n'est toujours pas qualifié en Europa League. Non, donc, mais est-ce que contre Monaco, de mettre Otavio avec Basic, parce que Basic, il faudra peut-être le lancer aussi, voir. Mm-hmm. Bon, même si il peut pas être pour l'instant en Coupe d'Europe. Moi, j'ai été au match où il est rentré contre Strasbourg. Basic, j'ai l'impression qu'il a un peu de ballon quand même. Il a été intéressant. Moi, tu vois, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'est pas anticipé contre Toulouse, parce que pour moi, Toulouse est quand même moins dur d'aller faire un résultat à Toulouse qu'à domicile contre Monaco. Ouais. Je m'attendais contre Toulouse, avoir Basic titulaire et à repasser les autres, avoir Tchouaméni, avoir le milieu droit tel que je l'ai vu, et à faire souffler les autres. Au final, j'ai l'impression que ceux qui sont cramés sur la pelouse sont aussi ceux qui ont joué et dimanche et jeudi. Bah, c'est pour ça que les déclarations de Bédoué, en comparaison avec ses actes, je comprends pas. Bah après, je pense que ce match-là, il fait un choix, je pense, qui est pas simple, qui est celui, je pense que Cyril le décrit tout. C'est un homme stressé qui se remet aux joueurs d'expérience. Après, il a le droit de changer d'avis en 4 jours. Non. Et puis surtout, à un moment donné, il faut savoir aussi c'est quoi l'objectif qu'on lui a donné. Ça, on le sait pas. Donc, avec 0 point en 2 matchs, on peut se poser, est-ce que tu as le droit de jouer la gagne à la Gantoise qui t'a sacrifié Monaco? Si tu veux faire vraiment signer Thierry Henry, c'est mieux d'avoir l'Europa League que d'avoir rien à jouer, quoi. Mais c'est peut-être mieux mieux que d'avoir 0 point en 0 point en 4 matchs. On n'est pas passé encore contre la Gantoise. Adrien, t'as pas entendu encore, t'es? Non, mais, je me suis fait une réflexion sur le match à la Gantoise et sur le turnover. C'est qu'en fait sur ce match-là, derrière, t'as un match 3 jours après contre Monaco. Et contre Monaco, en mettant sur le banc Palencia, Kalou, Camano, etc., tu peux les faire jouer dimanche et jeudi après. Ça veut dire que tu peux avoir, à Henry, tu vas donner des joueurs qui sont frais, des joueurs qui ont un jeu qui percute, et c'est là où ça peut être intéressant pour Henry s'il arrive, c'est d'avoir des joueurs assez frais et d'avoir aussi des joueurs frais pour dimanche. Après, au milieu, il y a Chris sur Twitter qui disait qu'il fallait mettre Otavio titulaire à la place de Plazil. Bah oui, par exemple. Oui, oui, mais c'est possible. C'est possible qu'il ait mis Plazil jeudi pour mettre Otavio Ce qui dimanche. Serait pas compréhensible, c'est si je vois Yaroslav Plazil sur le terrain face à Monaco. Là, j'y comprendrais plus rien. Par contre, sur les trois du milieu d'hier, il y en aura peut-être un qui restera, le Rager ou Sankaré. Le Rager, il y sera, ça tu peux. Bah, il court partout. Il sera le Rager. Mais sur le jeu, sur le match hier, après, pour revenir, vu que là on fait l'après-match, c'était triste à voir, surtout offensivement, mais c'était les consignes, vu que derrière, quand on entend les déclats après-match, on dit qu'il fallait qu'on joue en contre-attaque. Donc c'était les consignes d'attendre, et puis c'est logique que t'aies pas de jeu si tu sors Camano, qui est ton joueur sur les matchs européens surtout, qui te permettait à chaque fois de mettre des percussions et tout ça. On l'a vu au match aller contre Mariupol, où on a eu du mal au début du match, et puis dès que Camano a commencé à percuter un peu, le bloc est remonté. Et il y a aussi ce problème là de savoir est-ce que notre milieu peut pas être celui qui impulse le jeu. Et ce qui est compliqué sur ce 4-3-3 qui est là depuis Poyet, c'est que oui, même avant, mais sur Poyet ça se voyait surtout, c'est que c'est nos ailiers et nos latéraux qui permettent d'impulser ça. Oui, mais tes ailiers et tes latéraux, pourquoi ils impulsent ça? Parce que ton milieu de terrain fait le taf. Là, parce qu'il est solide. Ton milieu de terrain hier, en ne faisant pas le boulot, a mis dans la merde et ta défense et ton attaque. Mais parce que conclusion, tes attaquants, tu les as pas. Enfin, ils se sont battus, ils se sont donnés. Briand a pris un nombre de coups incalculables. Ça a été le plus virulent, le plus un petit peu percutant devant. Mais quand ton milieu de terrain est complètement défaillant comme hier, tu mets dans la mouise et les mecs de devant, parce que tu les alimentes pas et que forcément ils sont transparents, t'as pas une occasion. Et les mecs de derrière aussi qui ont pris sur la fin. Ressent que le coup de sifflet il arrive, hein, oui. Parce que tu prends vague sur vague. Mais c'est surtout sur la seconde mi-temps. Après. Mais sur la première mi-temps, les joueurs devant, comme Depréville, Youssouf, ont eu des ballons. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune percussion derrière. Pas derrière. Mais c'est non, ça. Mais quand Camano ou même Kalou contre Toulouse, ils ont le ballon, ils font une percussion. Même s'il n'y a personne derrière, ils font une percussion, ils vont vers l'avant. Et des fois, ils font les différences qui permettent au groupe de monter. Thomas. Ouais, donc pour revenir sur le match, c'était un match vraiment très faible techniquement. Heureusement que la Gantoise a loupé pas mal d'occasions surtout. On va en parler après deux secondes quand même de la Gantoise. Moi franchement, ils m'ont pas chamboulé. Hein. Heureusement qu'ils ont loupé beaucoup d'occasions offensivement. Même si à la fin ça commence à devenir chaud sur le but de. Ils t'ont pas chamboulé, mais ils auraient mérité de gagner quand même. Oui, non mais voilà. Je dis pas qu'ils méritaient pas de gagner. Je te dis que franchement, enfin vous l'avez vu comme moi, ils dépassent en touche, ils en ont fait autant que nous, des relances en 6 mètres. Niveau Ligue 1. Ils en ont fait. Ouais, non mais voilà, c'est niveau Ligue 1. Vas-y Thomas, excuse-moi. Après, pour revenir sur le milieu, c'est ce qui m'a choqué. Il y en a plein qui couraient. On a pris deux ou trois vagues. Ils ont transpercé le milieu et la défense. Ils se retrouvaient seuls devant les buts. On peut pas savoir. Ils ont un numéro 7, dont je vais retrouver le nom là, le géorgien. C'est incompréhensible. Il a fait un match. Ouais, en numéro 10. Je vais retrouver son Chak Vetadze ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Puis moi, après, je rejoins Adrien aussi. Comme quoi, je pense que jeudi. Faut pas dire ça. Après, il va prendre la confiance. Je pense que pour jeudi prochain, si Thierry Henry vient à Bordeaux, il va voir les joueurs bien frais, ouais, merci, pour préparer le match au mieux. C'est pour ça qu'il avait donc fait tourner. Mais par contre, faut pas oublier qu'on n'aura pas Koundé non plus jeudi prochain, ça risque d'être. Bah, ça sera Levchuk et Pablo. Le numéro 7, c'est Georgi Chakvetadze. Je trouve que ce mec a fait un match. Je trouve qu'il était très très bon. Ouais, mais ouais. Pour revenir à Koundé qui a été expulsé aussi sur le match, hein, je trouve que ça peut lui servir également d'avertissement, parce que je trouve que Koundé il fait une relance catastrophique sur Montpellier là, qui vaut pardon, sur Toulouse. C'est vrai qu'hier il en fait une ou deux aussi. Ou si c'est bien utilisé derrière, ça peut nous mettre le feu. Alors il a cet avantage de première relance qui est plutôt intéressante et c'est plutôt un joueur qui est actif sur ça. Maintenant, il faut pas non plus aussi qu'il se prenne pour quelqu'un d'autre. et qui commence aussi à la jouer un peu par-dessus la jambe. Ouais, moi, j'habite à côté de Marseille et Boum par rapport au... Oh putain, tu dois connaître tard. Et par rapport au boulot, malheureusement, j'amène souvent des partenaires voir l'Olympique de Marseille au stade. Boum. J'ai été en vacances, ouais, malheureusement. J'ai été en vacances là il y a une dizaine de jours à Bordeaux où j'ai vu Strasbourg. Ouais. Et je suis retourné voir la Coupe d'Europe et j'étais même au Haillan le lendemain, le vendredi à 8h30. Moi, ce qui m'inquiète à Bordeaux, je trouve que c'est le syndrome, il y a énormément de joueurs qui arrivent, qui ont une fougue sur les premiers matchs, style Otavio, quand il est arrivé, il courait de partout, il taclait de partout, etc. Et après, ça s'endort tout doucement pour jouer comme des sénateurs, où hier, les mecs, ils ont pas envie, ça joue à deux à l'heure. Et c'est un train de sénateur. Et moi, c'est ce qui m'inquiète à Bordeaux. C'est une belle endormie et qui a un manque de caractère. Et quand je vois les cadres que reçoit la direction, que ce soit Plasil, Sankaré ou Costil, bah, je me dis que ça devient vite très très compliqué. Ça. Et il y a Monsieur Leuil qui réagit sur les réseaux sociaux et qui nous a mis les gars à ne pas oublier Malcolm caché à lui seul beaucoup de lacunes de l'équipe. Oui, aussi. Oui. Oui, Malcolm, des fois, te faisait gagner un match là où t'étais pas hyper. Et dès qu'il était pas bon, si on perdait, c'était la faute à Malcolm. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais c'était des fois, c'était aussi des fois sa faute. Qui donc ? Allez-y, lancez-vous. Petit Thomas. Oui, pour revenir sur Koundé, tu l'as critiqué sur le match de Toulouse. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ne pas oublier quand même qu'il avait joué axe gauche. Et normalement, c'est un axe. Il joue défenseur droit. Défenseur central droit. Non, mais hier, il refait les mêmes erreurs. Hein. Ouais, c'est bidon, ça, comme excuse axe gauche. Dans ton placement, ça peut arrêter de déconner. Ton placement sur le terrain, il est pas mais c'est le même, mais symétriquement par rapport à l'axe médian. Enfin, non, arrêter de déconner. Putain, t'as placé symétriquement et médian à la même phrase. Et surtout sans bégayer, c'est ça le pire. Et sans fond d'orthographe. Mais ça, c'est mathématique, ça je gère. C'est pour moi Koundé. Après, il fait pas forcément un bon début de saison. Et ça va, il fait pas non plus un début de saison catastrophique. Ouais, bien sûr. Mais quand je vois le match d'hier, il a fait des relances. Je les ai toutes regardées, les relances, il en a pas mis une dans les pieds, c'était que des ballons longs. Après, c'est clair que le milieu n'a pas aidé non plus. Ouais. Il avait quand même un milieu qui proposait pas de ballon. Tu peux pas, c'est ça. Et quand on voit souvent ce qui se passe, c'est que c'est soit Plasil qui vient demander bien en retrait ou soit Sankaré. Sachant que Sankaré, là, sur ce match, et depuis que Bedouin est là, il joue un peu plus offensif. Voilà. D'ailleurs, du coup, il est pas vraiment là. Vu qu'il joue 10, pourquoi on met pas le seul 10 de notre effectif à ce poste-là? Enfin, pourquoi on fait juste pas jouer mais pas forcément jouer que Vada, mais même à Depréville ou à Zaïdou, tu vois. Zaïdou, moi, franchement, c'est ce que je voulais. Hier, j'ai réfléchi sur ça, tu vois. Je me suis dit, un mec comme Zaïdou, techniquement, il est monstrueux. Non, mais je veux dire, techniquement, il est monstrueux. Ah bon? Non, mais il est quand même au-dessus. Techniquement, au niveau des dribbles et des passes, il est quand même au-dessus de la moyenne. Ça, on peut pas le dire. C'est un joueur qui peut. Là, il est jeune encore. Le mec, on parle de lui. Là, il a même pas 6 mois de Ligue 1. Mais quand, pour moi, tu vois, quand on parle de faire. De changer de. Après, on sait pas comment, dans quel dispositif va jouer Henri, mais un mec comme Zaïdou en numéro 10, je pense que ça peut potentiellement être intéressant, même si ça peut être aussi une doublure aux joueurs dont Nicolas nous parlait juste avant, Nicolas Powerlorsi de RMC. Je pense qu'un mec comme Zaïdou, on peut largement le replacer à son poste de milieu, qui est son poste de base, et milieu offensif, ça peut être intéressant, je pense. Mais après, sur ce poste de créateur, etc., l'an dernier, on avait Malcolm, même s'il est joué pas en 10, qui repiquait beaucoup et tout ça. Et c'est peut-être ce que va devoir apprendre à faire Camano, qui nous l'a fait contre Mariupol. Le premier but, ça vient de là. Il a varié son jeu, il est pas allé sur son côté et tout ça. C'est peut-être à lui de prendre aussi le jeu un peu en main, ou de varier son jeu pour proposer plus aux attaquants ou aux autres. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, le créateur du jeu, il est forcément au cœur du jeu. Il peut pas être sur un côté. Même s'il rentre dans le cœur du jeu, c'est pas là. Autant la 2 comme en 98. C'est pas là. 99. Voilà. C'est pas là que tu fais le jeu. Pour moi, le jeu, c'est soit Laura Guerre, soit Sankaré de le faire. Oui. Mais c'est pas un ailier de faire le jeu. Un ailier, c'est un ailier. Il est là pour percuter sur les ailes et créer le décalage. Oui. Il est pas là pour faire la passe. Il est pas là pour faire le. Voilà. Surtout dans le 4-3-3. Hein. Voilà. Juste. Selon les infos qu'on avait, juste je finis sur le. Enzo a mis un sondage sur le match hier soir. Donc pour vous, ce 0-0 est-il un bon résultat? Donc à 49%, les supporters estiment que c'est un bon résultat. 29% ne se prononcent pas et 22% estiment que c'est pas un bon résultat. Ils se sont endormis avant la fin. Combien? 22%. Ouais. Comment dire que c'est pas un bon résultat? T'es vivant après un match. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, après, juste pour répondre à ta question, les infos qu'on avait eues, c'est que Henry voudrait revenir à un 4-4-2. Après, est-ce qu'il va pouvoir y arriver avec les joueurs qui Alors là, il remonte d'un petit cran dans mon estime. C'est déjà mais, pas mal. si, juste, on vous avait parlé de Koundé, on va juste finir le débat sur son rouge. Il prend un rouge parce que, au moment de rendre le ballon, il fait une cloche et lobe son joueur. C'est tous les joueurs. Voilà, zéro psychologie de la part de Rabit, surtout à la 90e, sur un joueur qui a eu un jeune déjà, dont le premier est quand même assez sévère. Bon, passons ce point-là. On ne joue pas avec un arbitre azerbaïdjanais. Oui, c'est voilà. Ensuite, en termes de jeu, en fait, si on regarde le match, c'est le nombre de joueurs qui sont pas à leur poste. Bon, pour moi, Youssouf, je suis désolé, je suis pas fan, j'arrive pas à accrocher, pour moi, c'est pas son poste. Lefchouk. Ensuite, on a Depréville, c'est pas un ailier gauche. Lefchouk, c'est tout ton côté droit, hein. Ouais, Lefchouk, c'est pas un arrière droit. Sankaré, c'est pas un meneur de jeu. Pounjé, c'est pas un arrière gauche. Je rigole. Donc ça fait quand même, Plasil, c'est pas un milieu défensif. Donc c'est quand même compliqué sur, si tu vois quand même ton équipe. Et après, il y a quand même des joueurs qui ont déçu. Sankaré, même si c'est pas son poste, a déçu. Depréville, pour une fois, pas déçu, donc je vais pas le citer. Moi, je l'ai trouvé. Ouais, moi, je fais désastreux, Depréville. Alors, autant au début. D'habitude, il a eu un peu de déchets, ok. Mais autant au début du match, tu vois, genre, j'étais dans l'optique, tu vois, je me suis fait une petite liste hier en regardant le match, en me disant, allez hop, je vais comme ça, je pourrai en parler demain dans l'émission, comme ça, ce sera tout frais et j'aurai déjà directement les. Je fais genre le gars qui bosse un peu avant, ouais, je me fais des listes. Non, mais tu sais, je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis mis direct, je me suis dit putain, Depréville sur le côté c'est intéressant, tu vois, au début du match c'était pas mal. Et au fur et à mesure je voyais les déchets techniques, j'ai fait mais putain, mais autant ce joueur, tu vois, j'ai envie d'y croire. J'ai toujours été, on va dire, derrière lui, mais là j'arrive pas. Depréville, quand il était à Lille ou quand il était à Reims avant, moi c'était un joueur qui me donnait envie, quoi. Mais Depréville a toujours été un bon joueur de football, sauf qu'en ce moment il est un petit peu dans le dur. Et là, juste pour terminer sur Zaïdou, on a Franck Gio sur le chat qui nous dit Zaïdou est trop lent, les gars. Je le suis depuis qu'il a 12 ans. Ils le savent pas au club. Et effectivement, ce témoignage est quand même effarant, parce que si ça fait 12 ans que Franck Gio il le suit à Zaïdou, et que Zaïdou il a toujours pas réussi à, bon, c'était une blague de merde, à le distancer, c'est que vraiment il doit pas être très rapide, non, le garçon. Mais Zaïdou, pour parler de... Désolé, on peut pas être au top tout le temps. Pour parler un petit peu de Zaïdou, c'est un joueur qui est axial, ça se voit dans ses prises de balle. Oui. Ça se voit dans ses décisions de jeu. Il ne peut pas jouer sur un côté. On ne pourra pas faire de Zaïdou un Malcolm, parce que clairement il a la qualité technique pour... Mais on pourra faire de Malcolm un Zaïdou. Non, mais il a la qualité technique pour faire des gestes un petit peu comme Malcolm, parce qu'il a les dribbles, il a la gestuelle, mais il a pas le talent, la vivacité, le côté impulsif du démarrage. Il a pas ça. Et donc du coup, et puis en plus, il est vraiment attiré par l'axe. Mais tous les matchs que je l'ai vu faire sur l'aile, enfin soi-disant sur l'aile, il l'a passé à côté de Chouaméni. Donc à un moment donné, il faut se poser les questions. Avant de passer au top et au flop qu'on vous a proposé sur Twitter, un petit mot quand même sur celui sur qui en grande partie repose ce 0-0. C'est quand même notre gardien, Benoît Costil. Alors autant certains l'ont crépi à juste titre, plus ou moins sur les deux derniers matchs de Ligue 1, autant là hier, on peut quand même lui dire merci, parce que alors en dehors du fait des deux occasions monumentalissimes que ratent leur numéro 9 et leur numéro 7, où ils sont tout seuls devant les buts, ils trouvent la faute au côté, ok. Enfin, ils sortent quand même quatre parades. Fallait quand même y aller. Non, mais c'est vrai. Moi, je faisais partie de ceux, j'assume, qui m'ont défoncé, et je pense à juste titre. Là, on peut saluer sa performance, mais c'est pas non plus un truc difficile. Il a fait le taf. C'est-à-dire qu'en gros, il a enfin joué à un niveau de gardien qu'on attend à Bordeaux. Oui, voilà, il a refailli prendre un lob. Hein. Faut quand même pas non plus déconner. Alors après, c'est vrai que bon, là, il a fait un bon match. Maintenant, on attend à ce qu'il s'inscrive dans la durée et de ce qu'on attend d'un gardien. Mais après, sur Costil, alors je sais, on sait qu'il se protège sur les réseaux sociaux. Non, mais tout ça. Hier, il a fait un gros match, mais ce que j'ai du mal à comprendre, mais c'est sur tous les joueurs pareil. Après, on est supporters, on réfléchit pas sur la psychologie des joueurs, etc. Et quand Lisa Razou parlait de gladiateur, ben c'est presque ça. On pense qu'un joueur, pour qu'il joue mieux, on va le défoncer. Costil, son mal-être, etc. On sait que c'est en partie parce que il a été pris en grippe, et l'histoire de Carasso et l'impression que c'était lui. Si, si. Ouais, c'est rien. On va pas refaire le débat Carasso-Costil, c'est bon. Il y a eu beaucoup de réactions en disant, oh, mais Carasso, il aurait pas prise. Mais, au bout d'un moment, il faut pas enjoliver les choses. Moi, je suis toujours avec celui-là, Paoletta, il aurait mis le ballon. Mais ça, c'est débile. Mais il faut arrêter d'enjoliver les choses. Carrasco a eu des phases où il était pas bon. Costi, il faut espérer que ça soit court, qu'il ne nous refasse pas les 6 premiers mois de l'an dernier. Mais après, sur ces 2 premiers matchs, vous voyez, Koundé, on l'a pas défoncé autant à Toulouse quand il a fait sa relance en l'axe, parce qu'il n'y a pas un joueur qui s'est dit derrière, ah ben je vais tacler le joueur et ça va faire rouge. Non, l'autre défenseur a été intelligent sur ce coup-là. Donc sur le premier match et même sur le deuxième, il se prend ce but. Derrière, il fait 2-3 parades. Il fait pas de bons matchs. Il faisait match moyen. Mais le match qu'il fait hier, c'est un bon match. Un match, c'est vrai, d'un gardien. C'est ce qu'on attend d'un gardien. Mais parce qu'on le sait qu'il a le niveau. Il faut juste. Non. Il faut juste arrêter. Non, mais il faut juste arrêter d'exagérer à chaque fois. Non, mais tu rigoles au Enzo. Honnêtement, Cyril. Tu sors du match de Toulouse, tu sais qu'il a un niveau. Cyril, on fait sur pas le débat. Pas sur un match. Oh, le débat Costil, on l'a fait. Là, non, mais à un moment donné, je peux pas le laisser dire qu'on sait qu'il a le niveau. Mais bien sûr qu'il a le niveau, arrête de dire des conneries. Premier match contre Strasbourg, il a pas le niveau. Contre Toulouse, il a pas le niveau. Top et les flops, Enzo. C'est bon, Cyril, on l'a déjà fait le débat. On va recommencer. Ouais, ben on le fera là, pas dehors. On l'a déjà fait sur l'antenne le débat. Et on c'est pas le. Et voilà. Ouais, allez, on enchaîne. Alors, les top Enzo, et les flops. Alors, comme d'habitude, on a fait un petit débat sur notre groupe privé. On a mis chacun nos top et nos flops. Vu le match de hier, on n'a pas réussi à en sortir. On n'a pas réussi à sortir ni de top ni de flop. Donc, en fait, on vous a pas proposé de sondage pour une fois. On vous a juste proposé, on va dire, une question ouverte. Là, vous avez chacun mis vos choix. Et voilà, il y a rien qui en est ressorti parce qu'en fait c'est comme nous sur le groupe en fait. Non, chacun a un avis différent sur les tops. Il y a Costil bien sûr qui ressort. Ah, il y a quand même après, des tendances, c'est quand même bien des... sûr Costil qui ressort largement au niveau des tops. Après au niveau des flops en fait ça varie de toute l'équipe à Depréville à Koundé, ça voilà. Donc c'est difficile à dire. Bon, après, c'est vrai que ceci dit, une fois sorti de Costil et peut-être, allez, on va dire brillant pour son deuxième match et et peut-être Pablo, allez, encore. Mais après, c'est vrai que sortir des tops, c'est chaud et les flops. Une fois que t'as sorti le milieu de terrain, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose, puisqu'il est 21h pile poil, donc on va passer à l'avant-match de Monaco. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié, un truc qu'il avait eu Oui. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit truc au niveau des brillants. Alors, brillants, on n'en a pas vu en tant que vrai buteur. Ça, c'est sûr. Mais pour avoir bien regardé son jeu, je trouve qu'il a été vraiment intéressant. À un moment donné, il a été vraiment intéressant et il a fait un pressing monstre. On a vu, il était tout seul devant avec Sankara faire le pressing. Il a pris un nombre de coups. Et franchement, j'ai vraiment aimé. Je trouve qu'il a fait un bon travail de l'ombre, tu vois, mais j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé nul. Déjà, devant le but, la seule. Ça prouve vraiment que tu connais rien au foot. Mais écoute, c'est pas grave, parce que tu vas m'éclairer avec ton faible. Ton génie. T'entends pas le jeu de mots. Quand tu es à la tête, le seul neuf, arrivé à un moment, on a foutu plein la gueule à la board, plein la gueule à Depréville. Quand tu te retrouves à 10 mètres des cages avec un mec qui te fait une passe en retrait, t'as juste à la mettre au fond. Il arrive à rater le ballon. C'est son pied ça droit. Ça va, tu pars du nos, c'est bon. Mais non, mais je suis. Mais non, voilà. Donc forcément. Paoletta il l'aurait mise. Voilà. Paoletta il aussi. Non mais je suis désolé. Parce que Paoletta et Camélia ils ont jamais rien raté. Je suis désolé. On a mis plein la gueule à Costil quand il rate un arrêt, un face à face ou un dégagement et qui met en danger tout le monde. Eh ben je suis désolé, un attaquant qui rate un but pouffé, ben je considère que c'est aussi pénalisant qu'un gardien qui rate et qui fait que t'as ton non mais tu vas finir c'est bon de ce qu'on a. Prenne un rouge. Donc moi brillant face au but pas à droit, manque de concentration, de lucidité, j'en sais rien, mais pas dans les bons coups. Et je suis désolé, en termes de jeu, si on a recruté brillant, sachant que brillant il fallait le mettre seul en attaque dos au but, moi dos au but il a été pas bon, il a pas gardé un ballon, il a pas réussi à faire monter le bloc et il a pas été bon de la tête. Et le problème c'est que dans un match comme ça où t'as besoin que ton bloc remonte pour justement ne plus être acculé sur son but et avoir des occasions, il a été dans ce rôle là inexistant. Mais alors après oui il se bat, après oui il presse, Marc, après tout ce que tu veux, mais Marc, c'est juste pas le rôle qu'on attaque quand même. Marc, vu le match calamiteux, alors je vais répéter ce que je dis tout à l'heure, vu le match calamiteux de ton milieu de terrain, je comprends pas comment tu peux juger l'attaque bordelaise, et je parle même pas que de Jimmy Briand, sur le match comme ça. Je suis désolé, Jimmy Briand, tout Jimmy Briand qu'il est, avec le, mais avec le match que fait ton milieu de terrain, donc qui te coupe ton équipe en deux, je comprends pas comment tu peux juger. Vous avez été capable de juger Youssouf et de Préville, à dire que de Préville il avait été nul et que Youssouf. Je t'ai jamais dit que de Préville avait été nul. Certain, mais je parle pas qu'à toi, mais on est plusieurs autour de la table. Donc quand on a à côté Briand, moi je suis désolé, Briand je l'ai pas trouvé bon. Et le problème c'est que quand, c'est pas, ça va être comme de Préville, ça va pas être sa faute. C'est juste que tu recrutes un joueur pour jouer à un poste qui est pas le sien. De Préville, son poste, jouer tout seul devant à la pointe d'une attaque, il sait pas faire. Donc il va vite falloir qu'on trouve des solutions. Soit le rôle c'est passé en 4-4-2, mais dans ce cas-là on n'a juste pas les joueurs pour le jouer, ou alors il va falloir qu'il se transforme en un attaquant capable d'avoir une détente à la tête, ce qui pour moi pas le cas, capable d'être beaucoup plus rapide de ce qu'il est, parce que je suis désolé, je l'ai quand même trouvé très lent, notamment au démarrage. Il a aucune impulsivité sur le terrain. Et ensuite quand tu es seul devant et que sur un match où ton équipe ils ont pas une cacahuète devant, quand tu as une occasion qui est toute faite, eh bien, tu te dois de la mettre au fond parce que tu es censé être le buteur. Donc désolé, pour moi Briand c'est pas un œuf qui peut jouer tout seul en pointe. Il a pas du tout le physique et la condition pour jouer comme ça. Il sait pas jouer au dos comme on pouvait l'être un Cheick Diabaté. Cheick Diabaté je l'avais trouvé génial, mais il avait la capacité dos au but. Même Mendy, on l'a encensé avec ça, qu'il était capable de jouer avec son cul pour faire permettre à l'équipe de remonter. Donc moi Briand je l'ai trouvé nul, comme je trouve de Préville nul. Allez, depuis un an. C'est qui, Thibaut ou Thomas? Thomas. Et après on passe à Monaco parce que faut qu'on fasse la suite. Vas-y, ouais, moi Briand, je trouvais quand même que Briand il avait quand même récupéré pas mal de fautes, surtout à la fin là, vers la 85e, il récupérait une faute importante qui permet au bloc de remonter et de faire souffler l'équipe un peu. Certes, il a rien fait offensivement, un peu comme toute l'équipe, rien offensivement comme toute l'équipe, mais après il a fait son taf défensivement, il a pressé, mais bon. Après il n'y a pas eu de but, donc on peut pas juger. Bon, il sera sûrement titulaire de dimanche et jeudi aussi pour. Comme l'a dit le chat, il a pas fait non plus de prépa physique, donc on peut pas encore. Non, mais c'est même pas une question de prépa physique, c'est que tu recrutes Jimmy Briand. À un moment donné, il faut être honnête aussi, et quand tu recrutes Jimmy Briand, tu sais que tu recrutes pas un buteur. Le mec a juste mis 100 buts en plus de 100 buts en Ligue 1. En 15 saisons. Mais peu importe, il les a mis. En 15 saisons. Il a fait 10 buts par saison. Cavani, il a mis 100 buts. C'est exactement ce qui nous manque. Un mec, ouais, non, mais compare pas Cavani, s'il te plaît. La différence entre un buteur et un attaquant. Un buteur et un attaquant. Mais défend pas, il a mis 100 buts en 15 saisons, le défend pas comme étant un buteur. Paoletta, il a mis 100 buts en 5 saisons. Jimmy Briand, il mettra ses 10, 12 buts dans la saison. Ça en fait pas un buteur, 10 buts. Bah, ça en fait un défenseur, alors peut-être, je sais pas. Mais un buteur, c'est quelqu'un qui a 20 buts. Qui met au moins un but tous les deux matchs. On va passer à Monaco. Merci beaucoup, Michael, d'avoir passé cet après-match avec nous. Puis écoute, tu nous rappelles quand tu veux dans l'émission, avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci, Michael. Ciao. Merci. Donc notre j'ai plus d'oreilles, j'ai baissé le volume du casque et j'ai plus d'oreilles. On va passer à 26 minutes, c'est passé super vite. Il reste 26 minutes d'émission, c'est passé à la vitesse du son. Notre adversaire donc dimanche 17h 3e journée de Ligue 1, Bordeaux reçoit l'AS Monaco. Évidemment, on n'a pas les groupes puisque on les aura que demain. Ceci dit, je peux quand même vous donner une petite information, c'est sur le site officiel de l'AS Monaco. Sur l'infirmerie monégasque, sachez que Alexander Golovin restera aux soins pour cette rencontre, tout comme Stefan Jovetic. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ronald Pierre Gabriel également ne sera pas de la partie, ainsi que Subasic. Retour de Coupe du Monde pour Subasic, il est un peu trop court. Et Andrea Raggi ne seront Raggi ouais, ça va. Ça fait quand même 5 absents. Alors Golovin, je vais pas le compter parce qu'il a pas fait un match et qu'on connaît pas son voilà. Mais ça fait quand même entre Jovetic, Subasic et Raggi. Et, même si Raggi est un petit peu en dedans, mais enfin ça fait quand même 3 gros absents côté monégasque. Et Falcao, c'est pas sûr. Hein. D'après ce que disent les supporters monégasques. Apparemment, c'est pas sûr. C'est quand même une équipe monégasque très amoindrie qui va se présenter à Bordeaux. Un bon 0-0. Je sais pas si vous les avez vus, mais j'ai vu les deux premiers matchs en intégralité de l'AS Monaco. Franchement, à Nantes, ils gagnent, mais c'est un miracle absolu. Et contre Lille, je suis désolé, moi j'ai vu une équipe, mais c'est c'était une tristesse. Oui, mais ça, sans nom, ce qui me fait dire, ce qui me fait dire que Bordeaux, je vois pas pourquoi on pourrait pas, peut-être qu'on en prendra 4, mais je vois pas pourquoi il est si inconcevable que ça de penser que Bordeaux ne peut pas battre Monaco. C'est deux équipes en fait qui se Vas-y. Je te en fait, c'est deux équipes qui sont dans le flou. Alors qui a perdu quand même Moutinho. C'est pas, voilà, c'est pas Fabinho. C'est pas le même style de flou en fait. T'as, d'un côté là-bas, c'est parce que ils ont leur 11, enfin leur 11, j'ai envie de dire leur 23 qui ont complètement changé et qui l'effectif total a été chamboulé. Ils ont recruté, je crois, 10 ou 12. Voilà, donc comme tous les deux ans, Monaco, ils font leur petite lessive comme tout, comme d'habitude, avec le petit amas d'argent derrière. Mais en fait, c'est pas tout le même flou. Nous on est, c'est au niveau du jeu, c'est au niveau de tout. On a à Bordeaux, c'est le flou total. Donc en fait, c'est voilà, j'ai envie de dire, il peut se passer autant, on peut prendre une branlée énorme, et autant on peut accrocher une victoire. Après, c'est Monaco, comme tu disais Enzo, c'est chaque année, c'est en perpétuel renouvellement. Mais il y a quand même des bases, c'est-à-dire que Léo Jardim, tout le monde le clash en début de saison parce que c'est Monaco depuis qu'il est là. Les trois premiers mois, c'est toujours poussif. Ça met du temps à venir, mais il y a bon, la première saison, on pouvait peut-être être inquiet, mais maintenant, on commence à être habitué. Monaco, ils ont des bases de jeu, ils ont un staff qui est solide, qui est en place. Il y a des idées, il y a c'est un bâtisseur, Jardim. Voilà, il fait venir plein de nouveaux joueurs, mais ça contrarie pas forcément le résultat final. Alors oui, Monaco était champion de France il y a deux ans. Ils sont pas champions cette année. Bon, ok, mais je veux dire, ils sont toujours dans les objectifs sur le podium. Ouais, ils sont toujours dans les objectifs. Dans cette équipe quand même, Jemerson, Glick, oui, oui. Bon, après c'est pas des joueurs aussi qui sont vraiment en forme, dans une forme olympique pour l'instant. À Bordeaux, effectivement, le problème est tout autre, c'est qu'on n'a pas du tout d'identité de jeu aujourd'hui. On peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit aujourd'hui à Bordeaux en termes de. Alors après, c'est pas interdit hein, de faire un résultat contre Monaco à domicile, mais il va falloir mettre autre chose que ce qu'on voit depuis le début de saison, et surtout essayer d'être un peu plus costaud, et surtout moi ce qui m'a manqué par rapport, si on fait un parallèle avec la Gantoise, c'est cette capacité à Bordeaux d'aller déstabiliser l'adversaire. On a l'impression, alors je veux pas revenir sur le débat avec Bédoué, etc., mais ou sur la Gantoise puisqu'on vient de le finir, mais il y a un contexte aussi qui explique la manière de jouer de Bordeaux. C'était éviter justement une catastrophe pour que pas hypothéquer voilà, les chances de qualification jeudi prochain. Bon, voilà, maintenant contre Monaco, il va falloir montrer autre chose. Il va falloir arrêter avec ce bloc bas. On est déjà à deux matchs, deux défaites. Ça serait, pour moi, ça serait une catastrophe si on venait à perdre contre Monaco. Je le dis, je le pose là comme ça, ça peut faire hurler certains, mais une défaite contre Monaco dimanche, pour moi, serait une catastrophe parce que déjà 9 points de retard, enfin 9 points, enfin 0 point pris en 3 journées. C'est, quand on est Bordeaux, c'est une catastrophe. C'est pour ça que ça m'avait sorti de mes gonds quand j'avais entendu Costil. Dans le contexte actuel, Thibaut. Non, mais même dans le contexte actuel, je m'en fous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu prends le calendrier de Bordeaux de Ligue 1, c'est-à-dire que tu as eu une réception de Strasbourg, qui est une équipe qui était quand même difficile à jouer, qui nous a torché l'année dernière. T'as Toulouse, effectivement, où c'est toujours un peu la honte d'aller perdre là-bas parce que c'est quand même y a un contexte autour de ce match. T'as la réception de Monaco et t'as le déplacement à Rennes. Et dans le contexte actuel, moi je veux bien que ça soit, mais le contexte on l'a pas décidé. Enfin, je veux dire, le contexte, il faut faire avec. Donc pour moi, une défaite, je le redis, une défaite contre Monaco serait une contre-performance et un début de feu, d'incendie, parce que et Bordeaux surtout doit montrer autre chose que ce qu'on a montré, c'est-à-dire un bloc bas avec des relances comme si on avait encore Cheikh Diabaté devant. Non, il faut essayer de faire autre chose. Je suis pas entraîneur, j'ai pas de diplôme, voilà, mais je pense que on a des joueurs, on peut quand même faire quelque chose, non? Enfin, je pense. Marco. Écoute, le problème, c'est que moi, je considère que même avec leur équipe amoindrie, et même si Bordeaux avait été en forme, je considère que Monaco est meilleur que Bordeaux. Bon, le problème, c'est que Bordeaux est pas en forme, donc ils sont deux fois... De quoi ? Est-ce que t'as vu les deux premiers matchs de l'AS Monaco cette saison, Marc? Non, parce que je les aurais vus, tu peux pas dire. Si tu veux, j'ai vu aussi les deux premiers matchs de la saison de Bordeaux et même tous les premiers matchs de début de saison de Bordeaux. À cette saison, tous les gros, parce que ça marche pour Marseille, ça marche pour Lyon qui est en train de galérer contre Strasbourg. Tous, ils sont pas calibrés pour être bons maintenant. Ils ont tous une préparation physique lourde dans les jambes. Ils ont tous du mal à se mettre en jambes, etc. Et tu rajoutes le mondial aussi. Tu rajoutes tout ça. Donc toutes ces équipes-là vont avoir du mal à démarrer. Mais Bordeaux et Monaco ont tous les deux ce mal à démarrer. Ensuite, je trouve que Bordeaux est en crise. Donc déjà, Bordeaux descend d'un cran. Et je trouve Monaco déjà dans tous les cas meilleur que Bordeaux. Donc, si tu veux, déjà au départ, c'est déséquilibré. Donc les deux sont pas bonnes pour le début de la saison. Et en plus, Bordeaux est en crise. Donc Bordeaux est toujours inférieur à Monaco. Je vois difficilement comment. Sauf un énorme match, mais allez-y, dites, pariez-moi 200 euros sur la table que Bordeaux va gagner contre Monaco ou faire si nul. Si Paris est remboursé, oui. Voilà. Si Paris va rembourser, tu le feras pas. Il y a cash out. Donc, dans tous ces cas, je peux pas me dire, ouais, mais Bordeaux va y arriver. Donc, ensuite, sur ce match-là, je vais pas être aussi dur que Thibaut dans le sens où je n'attends pas de Bordeaux une victoire ou un nul, j'attends un comportement. Maintenant, là où je rejoins Thibaut, c'est que j'ai très peur que le comportement, même si on en a le bon comportement sur la pelouse, en cas de défaite quand même, nous plongera dans tous les cas dans la crise. Après, elle peut être plus ou moins forte. Si tu peux te retourner sur certaines choses en regardant le résultat voilà, du match, ça va dépendre du contexte. Ou si tu peux te retourner sur rien. Si tu perds 3-0 sur une erreur d'arbitrage, voilà. T'auras les boules. Si tu perds 4-0 et que t'as pourtant fait le bon match, t'auras deux fois plus les boules parce que Monaco ils sont pas en forme et qu'ils ont pas tous leurs joueurs. Donc c'est très très très compliqué d'analyser ce match. Très compliqué pour Bordeaux de se positionner, de dire qu'est-ce qui va se passer si jamais Bordeaux perd. Le match important, il a lieu jeudi prochain. L'arrivée d'Henry, on fera automatiquement table rase du passé. Au niveau des joueurs aussi, ça va faire table rase du passé parce que les joueurs vont vouloir se montrer un nouveau coach. Je pense à un Valentin Vada, je pense un Otavio, donc ça remettra la concurrence là où la concurrence pouvait avoir été tuée dans l'œuf. Maintenant, ce match-là de dimanche, pariez pas un sou sur la victoire ou le nul de Bordeaux. Hein. Qui on n'a pas entendu sur Monaco, Thomas, Adrien. Je laisse la parole à Thomas. Ouais, donc, allez, on démarre. C'est bon. Là, le match, c'est un flou total. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est le flou. Vas-y. Regarde ton micro quand tu parles. Fais-le comme ça. On nous regarde pas. Regarde ton micro. Ouais, c'est plus facile. Bien. Louche sur la bonnette. Tu regardes que le micro. Tu regardes cette partie-là du montant. C'est pas radiophonique. Mais ne cherche pas à nous regarder. On s'en fout. Tu nous regardes. Mais c'est le flou parce que déjà, est-ce que les joueurs vont être présents? Est-ce que ils vont avoir envie de jouer? Est-ce qu'il va y avoir de la qualité technique cette fois-ci? Après, est-ce que pareil si Monaco va être en forme, c'est sûr Bordeaux on va se faire manger. Donc il y a plein de facteurs et donc on peut pas encore analyser le match. C'est trop flou pour analyser un match comme ça. En termes de composition, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Rapido, moi personnellement, je peux pas concevoir une seule seconde de voir la même équipe, ne serait-ce que on va dire, allez, il y a 11 mecs sur un terrain moins 10, allez, ne serait-ce que 5 sur 10 ou 6 sur 10 de ceux que j'ai vus jeudi soir. C'est pas, enfin, alors dans ce cas-là, je comprendrais plus rien au coaching de Bédoué. Il faut la meilleure équipe demain soir, dimanche après-midi. Tu peux l'aligner en plus parce que jusqu'à jeudi t'as un temps de repos. Tu peux la parole, vas-y. Mais non, t'avais fini ce soir. Non, vas-y, tiens, vas-y. Le problème de cette équipe, c'est que on sait dans le passé ce qu'elle a pu faire. Finalement, le 11 n'a pas énormément changé. Alors oui, il y a eu le gros départ de Malcolm, mais et derrière t'as Sabali qui est pas présent. Mais derrière, ça a pas énormément changé. Maïté qui est plus là, puis t'as Braithwaite qui est parti. Non, mais Braithwaite. Oui, c'est vrai qu'il a servi à rien. Non, mais pas brillant et peut être équivalent au niveau de sa qualité de jeu. C'est que Malcolm qui était vraiment au-dessus, irremplaçable, et Sabali qui est quand même très fort. Mais si on joue sérieusement, si on arrive à retrouver ces automatismes qu'on avait l'an dernier, et donc la compo, on peut le faire. Et sans oui. prendre de la compo, tu repars sur autre c'est chose. Ça. Mais laisse-moi. Laisse-moi ouais, mais non, mais à un moment donné, on a un programme, les gars, là, il est quasiment 20. C'est bon. Ouais, non, mais les monologues, bon. C'est bon, à un moment donné. C'est bon. Et donc, sur la compo, je vais te la faire entière. Il va y avoir Kossil, Palencia, Pablo, Koundé et à gauche, Pungé. Au milieu, on va avoir Otavio, Tchouaméni et Sankaré. Et devant, on va avoir Kalou, Camano et Briand. Tu aimerais voir. Non, il y aura. Il me l'a dit. Qui change quelque Basic. Chose à cette compo? On va pas faire le tour de table. On n'a pas recruté Basic pour faire un joli Merde, on va le faire jouer. Je pourrais arriver à un moment, je pense que c'est peut-être le joueur. Au milieu, pour moi, c'est peut-être le joueur qui a le plus de qualité. Donc va peut-être falloir le faire. Enfin, qu'il y a des qualités donc, différentes. On a Franjo sur le chat qui nous met Kostil, Palencia, Koundé, Pablo, Pungé, Sankaré, Otavio, Basic, Camano, Briand, Kalou. Donc pour Thibaut, ça sera celle-là. Mais moi, je sortirai Sankaré et je mettrai Tchouaméni. Et on va voir ce milieu-là. Badji pourra pas jouer au match retour. Mais si Otavio et Tchouaméni en font plus que Plasil ou Sankaré ou le Rager par rapport au match aller, mais sont titulaire parce que t'as besoin des joueurs qui sont les mieux mentalement sur le terrain. Qu'est-ce qui te après Camano, Briand, Kalou, oui, mais ça risque d'être ça. Qu'est-ce qui te plaît pas, Cyril? Moi, c'est le 4-3-3, j'en peux plus. Ah bah oui, mais et donc du coup, moi je passerai là maintenant. Moi, je passerai en 4-2-3-1 avec vraiment deux sentinelles fortes à la récupération. Alors pourquoi c'est ce qu'on fait? Ben non, c'est pas ce que tu fais. Tu joues à trois milieux. Donc oui, déjà... mais t'as Sankaré qui joue en 10. Ouais. Tu mettrais qui les deux sentinelles? Ah ben je mettrais Basic et Laura Guerre. Et Andy, je tenterai Zaïdou. Et à droite, Kalou et Camano pour de la vitesse. Et puis en pointe, Briand parce que t'as perdu. C'est un système que Bédoué utilise, hein, le 4-2-3. Il a utilisé ma prenante. Ouais, ça a bien marché. Youssouf, c'est quoi son vrai poste? Moi aussi, je comprends son pas. Son vrai poste, c'est 10. Bon bah alors essayons-le en 10 alors si on va pas jouer en 10 en réserve. 8 relayeur, il y a pas 10 en réserve. Mais je crois. Non mais il jouait plus bas. Non mais Baptiste, les seules fois où il a vu un 10. Après il s'appelait Giresse. Après comme disait Cyril tout à l'heure et je pense qu'il a raison, je me mets aussi à la place de Bédoué. Je pense que Bédoué il veut rendre une copie à peu près propre, on va dire, pour passer la main à peut-être Thierry Henry ou le futur entraîneur. Voilà, je pense pas qu'il va y avoir une révolution en termes de système de jeu ou de machin. Je pense qu'il va assurer le coup. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage que t'as avec un Basic ou je sais pas comment vous le dites, c'est qu'il fait 1m89, donc on peut penser qu'il a quand même une densité physique. Il a un coup de pied gauche sur coup de pied arrêté qui est plutôt intéressant. Donc si à droite, si de l'autre côté Camano tire plutôt pas mal ou Kalou, on peut avoir un équilibre au niveau des phases de jeu arrêtées. Après avec le Rager, c'est quand même on peut penser qu'avec deux grands gaillards, ben on va peut-être pouvoir arriver à contrecarrer le milieu monégasque qui est pas forcément au top sur ce début de saison. Contre Lille, ils ont été en manque de créativité totale. Donc moi je sens que c'est possible. Allez Thomas, après on passe au pronom. Après moi pour Basic, le peu de minutes qu'il a fait contre Strasbourg, je trouvais que c'était lui celui qui était plus créatif contre Strasbourg. Donc pour moi je le vois plus comme un créateur, pourquoi pas contre Monaco parce qu'on en a pas tout simplement. Et puis à un moment donné on recrute des mecs comme disait Marc, c'est pour les faire jouer aussi. Donc oui, moi je suis complètement d'accord. C'est peut-être le truc qui nous manque au milieu de terrain. Pas pour Vada dans votre 11. Je pose la question. Titulaire. Mais par exemple, on parle d'indice. Pour moi, c'est indice. Pourquoi pas. Ouais, totalement. Ça pourrait être intéressant. Je le mettrais. Alors, c'est très dur. Enfin, si je le ferais, parce que pour moi, le milieu à 3 il doit tourner. J'aurais tendance à mettre et Basic et Tchouaméni à la récupération. C'est osé, hein, contre Monaco. Après, le problème, c'est que je me vois pas mettre Otavio, Basic et Tchouaméni contre Monaco. Le problème, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la compo que je fais, je pense qu'on va prendre une branlée. Donc, je me dis, mais en fait, c'est quoi? Quel est le mieux pour préparer jeudi? C'est de prendre une revue d'effectifs. C'est de prendre des, voilà, faire une revue d'effectifs, de dire, écoutez, j'attends pas de vous un résultat, donc. Allez-y, jouez, montrez-moi que vous méritez d'être titulaire jeudi. Ou c'est de dire, ah bah écoute, j'ai pas envie de niquer mes jeunes, je préfère remettre mes vieux, on prendra une branlée, de toute façon ça changera rien, eux ils ont l'expérience pour assimiler ça. Ou autre truc, mais tant pis, je vais mettre les coiffeurs, ils vont se griller, ils auront la quinte d'avoir pris une branlée, mais de toute façon comme c'est pas eux qui joueront jeudi, tu sais, t'as trois façons de le voir, c'est horrible. J'aimerais surtout pas être à la place Pedro doit se faire des noms au cerveau. Ah ben allez, là, juste ouais. Parce que tout à l'heure on a squeezé, on est passé un peu vite, mais sur la défense centrale, puisqu'on vous partez dans l'idée qu'on présente ce match, moi c'est pas mon sentiment, pour préparer le match de la Gantoise jeudi prochain. Dans cette éventualité là, je vous rappelle quand même que notre ami Jules Koundé est suspendu jeudi prochain. Tout à fait. Donc ça voudrait, dans les compos qu'on a donné, on voit tous la charnière centrale Pablo Koundé. Est-ce qu'il faudrait pas donner du temps de jeu à Levchouk? C'est la question. Non, Levchouk, je pense qu'il en a eu suffisamment. Bah, à qui alors? Et notre Jérémy Bréchet, polonais, va aller tranquillement rejoindre le banc. Mais tu vas mettre qui alors? Non, mais c'est une question. Est-ce qu'on peut pas aussi imaginer une titularisation de Jovanovic? C'est une question. Ah, moi, je l'avais complètement oublié. C'est une question. Dans la mesure où on considère que ce match-là de Monaco, en gros, on fait une croix dessus. Et on Jovanovic, il a joué combien de matchs? Zéro. Voilà. Donc, non, mais c'est une question. Non, mais il est pas prêt au final. Dans tous les cas, Lechouk qui joue et pourtant il est pas prêt. Hein. Non, mais c'est pas. Déjà, Lechouk, on le juge. Voilà, il a joué le latéral. Le poste qui est pas le sien. Donc, il a joué un match en défense centrale. Oui, voilà, mais c'est le poste qui joue. Donc moi, je le juge sur le poste qui joue, tu vois. Ouais, mais ok, tu joues sur le poste qui joue, comme tu juges quand un autre joueur est pas à son poste. Mais c'est pas son poste non plus. On a déjà vu Lechouk jouer, on a déjà vu Jovanovic jouer. Pff, moi, les deux me transportent pas. Les deux sont des défenseurs moyens de Ligue 1. Le problème, c'est qu'il te faut celui qui mentalement est le plus prêt entre un joueur qui a pas joué depuis quasiment un an ou bien 8 mois pour Jovanovic. Bah, c'est juste pas possible le retour à la compétition en passant par là. Donc, par défaut, je mettrai Lechouk. Par contre, par défaut, je mets Lechouk, mais je vais pas le mettre sur ce match-là parce que je fais déjà assez de transformations dans mon 11. Mais on peut aussi dire, c'est Pablo qui sortira, Koundé qui sortira pour préparer le match défensivement. Moi, je te dis pourquoi c'est pas possible, tout simplement parce que le match important de la semaine, c'était Monaco, c'était pas la Gantoise. Et je sais pas si une question, non, mais je sais pas s'il a pris comme ça ou si le match allait, il fallait faire opposer les joueurs vu que c'était une obligation pour pouvoir les faire enchaîner les deux matchs après. Parce que je suis pas sûr que entre un match dimanche et après le match le jeudi soir, les joueurs soient pas capables d'enchaîner. Allez, on va passer la preuve de Placil qui a enchaîné les deux matchs. On va passer au prono. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, boucherie ou pas? Boucherie. Qui se lance? Cyril. Moi, dans le jeu pronostique, j'ai mis 2-1 pour Bordeaux. Ah, mais moi, je t'aurais rejoint là-dessus. Vas-y. Et donnez-nous vos scores sur le chat aussi pour vous les antennes. Moi, je vois une. Bah, tu vois, je sais pas. Tu peux dire, je veux pas d'idée et puis je donne pas de pronostic. Tu vois, dans le fond, j'ai envie de dire 2-0 pour Monaco, mais j'ai pas envie d'y croire. Adriano, moi j'avais mis 2-1 sur le jeu. Non, mais je vais faire 3-1, le même match que contre Lyon l'an dernier. Voilà. Marc, moi j'ai parié 3-0 pour Monaco aussi des pronostics, donc je vais rester réaliste. Thomas, 1 partout. Thibaut, un bon vieux 0-0 des familles. Et pour moi, parce qu'il faut quand même qu'on prenne des points et puis que mince, toi j'en ai marre d'être dans le marasme. Moi je vais être comme Cyril, je vais dire 2-1. Je sais pas comment on va les marquer les deux buts, j'en sais rien. Comme Chris 33 d'ailleurs. Mais Manu il va jouer 2 minutes. Mais on va se démerder à marquer 2 buts, je sais pas trop comment. Voilà, bon, ça viendra de. Sur le chat, il y a Soup qui nous dit 0-0, Bouboule 33 1-0, Chris 33 2-1, David 2-0 pour Bordeaux, Juju 1-1. J'ai oublié Seb qui dit 0-0, je prends. Et à noter aussi, c'est bon, comme je fais tous les vendredis, il y a notre petite pépite argentine qui joue du côté d'Auxerre, qui est encore titulaire. Voilà. Ah oui. Marc, juste une question avant qu'on passe. Bon, après on a une petite page transfert, mais il se passe pas grand chose, donc on va faire rapide. Le coup de gueule que t'as, c'est en rapport avec Monaco ou pas? Non, sinon, c'est en rapport avec Henri. Alors on le fera. Après les transferts. Ah bah alors t'as un coup de gueule sur Henri toi? Oui, moi je suis déjà... Ah si, je sais ce que c'est. Moi j'aurais plutôt à faire, mais il y a pas cette rubrique. C'est dans les brèves de G33. Le choc. Alors, tu vois, je viens peut-être de le voir. Bon, alors une petite page rapidement. Alors Mercato, on va pas se mentir, ça s'est grandement calmé depuis qu'on a appris que Pedro finalement, Cyril, je sais pas suivant les infos que t'as, mais on peut conclure que c'est définitivement mort ou il y a encore un pseudo espoir de quelque chose? À 99% c'est mort. Donc il reste 1%. Oui. Tu sais, le petit poisson qui sautille hors de l'eau. Henri s'est fait à 99%. Donc il reste 1%. C'est Pierre Sled avait dit Zidane à 95%. Et voilà, elle était la marraine. Thibaut aussi. Non, je l'avais dit, mais j'ai d'après toi, confiance à Pierre Sled. Ça va être très très compliqué pour Pedro. Comme quoi, faut pas toujours faire. Pour des raisons, alors de club, enfin de passe. Pour des raisons que c'est des Brésiliens qui sont chiants. Non, pas forcément, mais chacun a ses erreurs et voilà. Alors, on apprend. Montage économique complexe. On apprend aujourd'hui, alors c'est pas dans le mercato, mais c'est quand même mine de rien un joueur qui va revenir, c'est Youssouf Savali, qui pourrait bientôt faire son grand retour. Il pourrait carrément même postuler pour une place dans le groupe au prochain match, carrément jeudi prochain. Alors, on a dit dans le groupe, on l'a pas dit titulaire à 100% machin, mais voilà, il pourrait éventuellement, si tout se passe bien, et pourquoi pas donc enchaîner. Alors, juste pour précision, s'il est prêt. Pour précision, il a commencé la réathlétisation, il y a 15 jours à peu près ou 3 semaines. Il s'entraîne normalement, il a visiblement plus de douleurs. Après, c'est un joueur qui a pas fait de préparation physique puisqu'il a été blessé pendant la Coupe du Monde. Son objectif, c'était de revenir déjà contre Monaco. Ça, c'était l'objectif qui s'était fixé avant à la fin de la Coupe du Monde. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de le lancer sur un match dit crucial, si on suit l'avis que la qualification est une. Alors ça pourrait être Rennes aussi. Hein. Ou Rennes, voilà. Ça me pose un problème, tout simplement parce qu'il est sélectionné avec l'équipe du Sénégal. Et on a appris ça également aussi. Et donc du coup, aujourd'hui. Moi le voir enchaîner 4 matchs potentiellement en 15 jours, alors qu'il revient d'une grosse béquille avec une grosse lésion, il me semble. Après, il jouera peut-être pas avec le Sénégal. Oui, non, mais qui joue ou qui joue pas, il est potentiellement. Il peut potentiellement jouer. Moi, je pense honnêtement que on devrait laisser Palencia titulaire. Savali revenir bien, le laisser aller en sélection parce qu'il aime ça et qu'il a passé un bon moment avec le Sénégal à la Coupe du Monde, et le récupérer en pleine forme mentalement et physiquement une fois la tresse terminée. En fait le débat on le pose parce que si Bordeaux n'avait pas de problème sur le poste d'arrière droit, on pourrait le laisser tranquillement, comme tu dis Cyril, reprendre ses marques à la cool tranquille, sauf que on a un problème sur ce, donc c'est pour ça que la tentation elle est là de le faire revenir le plus vite possible pour essayer justement d'assurer les arrières il faut dire quand même que si Sabali n'est pas blessé à la Coupe du Monde, il signe à Naples. Du coup, est-ce que mentalement il est enfin, moi il y a plein de choses qui me font dire qu'au niveau du management, le laisser peut-être du temps, c'est peut-être le mobiliser peut-être un peu mieux pour le reste de la saison. T'as complètement raison, c'est vrai, s'il se blesse pas à la Coupe du Monde, je pense que Sabali, ça fait un moment qu'il est déjà plus ici. Oui, t'as complètement raison avec ça. On parlait de quoi là? Oui, Thomas. Oui, pour revenir au mercato, moi je pense que et aucun joueur qui arriverait avant tant que la venue d'Henri n'est pas officialisée, parce que Henri je pense qu'il voudra venir mais avec ses joueurs, il voudra imposer des joueurs au niveau du Nicolas dirigeant. Il a déjà dit que Henri travaillait avec la Vous avez remarqué un truc? Alors je viens de m'en rendre compte depuis, vous avez vu depuis là 2-3 jours, on n'entend plus rien. C'est-à-dire que pendant 10 jours, 2 semaines, ça s'est emballé, et Pedro, des noms sont sortis dans tous les sens, des Pedro, des machins, des trucs, et là, depuis un jour ou deux, bon, alors vous me direz, nom de Henri, non, mais je parle en dehors du coach, on n'entend plus Bordeaux s'est placé sur tel attaquant, sur tel truc, sur tel. Le gros problème, Seb, c'est que maintenant Henri change pas mal de choses. Le nom Thierry Henri change pas mal de choses. Il change les choses au niveau de l'investissement des Américains. Est-ce que les Américains vont, avec Henri maintenant, investir plus rapidement que ce qui était prévu à la base? À la base, on parlait d'un investissement soit cet hiver, mais plus probable plutôt pour l'été prochain. Est-ce que avec Henri qui arrive maintenant, avec le brouhaha médiatique, c'est là où j'ai été choqué, moi. Moi, je suis français et Henri, ben ça reste la main, ça reste Naïsna. Non, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que mais les journalistes. J'ai écouté ce que Marc m'a dit. Est-ce que je peux parler s'il te plaît? Et le mec. Pendant des années, les journalistes l'ont descendu. Il est hautain, il a fait la main. Naïsna, il est pas descendu. C'est pas un modèle, patin, couffin. Et là, depuis 2 semaines, on entend parler même pas deux semaines depuis la Coupe du Monde. Henry, c'est un demi-dieu. Bah, tu sais comment sont là les Français, oui, Cyril, on mais, oublie, mais, voilà. Mais voir l'impact aussi qu'il a dans le monde. Aujourd'hui, il y a une émission d'une heure sur ESPN aux États-Unis pour parler de Henry à Bordeaux. Mais imagine en Angleterre ce que non, ça mais doit être. Mais c'est impensable qu'à ESPN USA, il parle de Bordeaux. Eh, pourtant. Mais, bah, si mon gars d'Agroisel a le bras long. C'est vrai, c'est Henry, quoi. Non, c'est... mais Henry, c'est vrai que. Et après, on passe au coup de gueule de Marc. C'est impressionnant. Enfin, il y a une semaine, j'imagine un supporter qui coupe de tout pendant une semaine, il est avec Poyet, puis une semaine après, il se retrouve avec Henry. Potentiellement entraîneur des Girondins, à entendre partout tout le monde qui en parle. On parle même de directeur sportif derrière. Alors, c'est de en plus, il y a Klinsmann qui vient, mon pauvre. Non, mais c'est double effet qui se coule. Non, mais il peut être encore sur ce point-là, directeur sportif, ça peut aussi générer pas que l'équipe première, mais tout le reste. Mais c'est impressionnant, Henry. C'est, on se rend pas compte de l'impact que c'est. Oui, mais là, on parlait mercato, il y a Thierry. Sur les joueurs que ça peut faire venir, ça ouvre des portes, mais énormes. C'est surtout que voilà, t'as des gens qui étaient complètement impensables. Il y a encore une semaine, tu te dis, ben, c'est possible. Tu vois, on parle, typiquement, alors là, c'est pas une info que j'ai, c'est un ressenti. C'est quelque chose qui me semble possible. Un Moussa Dembélé qui est annoncé à Marseille. Je pense que ce gamin, il a une idole dans sa vie, vu qu'il joue comme lui. C'est Thierry Henry. Si Thierry Henry va le voir, qu'est-ce qu'il fait, Moussa Dembélé? Moi, je pense surtout à Bafé Gomis qui part en Arabie Saoudite. Je comprends pas qu'on ait pas pensé à ce garçon. Mais enfin, il est trop cher. C'est une sardine. Anthony Modeste aussi. Je m'en fous. Ouais, je sais pas, à un moment donné. Par contre, qu'est-ce que c'est que dans la tête d'un attaquant? Qu'est-ce que Henry? Tu te rends compte, Cyril, que moi, c'est ça, en fait, qui me, alors, pas ce que tu dis, hein, mais le ce espèce de phénomène. Avec toutes les bâchages que j'ai eu sur ma compo, parce que de transfert avec Dembélé, c'est impossible. S'il signe. Moi, en fait, est promis, et après je me tais et Marc fait son coup de gueule et on conclut l'émission. Mais moi, ce qui me rend ouf et j'hallucine et je ne comprends pas cette hype, c'est que tout le monde nous dit, alors effectivement Thierry Henry apparemment connaît très bien le football, mais c'est très bien, mais des gens qui connaissent très bien le football, qui sont entraîneurs et qui arrivent pas, il y en a des centaines, à commencer par Bielsa. Mais je veux dire, tout le monde veut dire faire venir des joueurs, mais si tu fais venir des joueurs qui peut-être avant ne pensaient pas venir à Bordeaux, ils viennent pas pour les compétences de Thierry Henry, puisque les compétences de Thierry Henry, excusez-moi jusqu'à preuve du contraire, en tant que coach numéro 1 d'une équipe, on ne les connaît pas. Donc c'est faire venir des gens juste sur un nom. Ben moi, ça me rassure pas sur les compétences. Il y a peut-être des choses que ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand Poyet, il y a différentes choses. Quand Poyet va chercher, va parler à un joueur. Non, elle même pas Poyet. Allez. Quand Gourvenec va parler à un joueur. Dembélé. Et quand Henry va parler à Dembélé. Tu crois que quel est le coach qui te déclenche le plus d'émotions? Si Dembélé il est pas con, il sait que Gourvenec il a 400 matchs de Ligue 1. Laisse-moi finir. Oui, il a 400 matchs de Ligue 1. Et alors, est-ce que 400 matchs de Ligue 1, ça l'a fait réussir à Bordeaux? Pas plus que ça. Aujourd'hui, tu parles à un joueur, on parle quand même d'un joueur qui a vécu deux Coupes du Monde, une gagnée, une perdue, qui a connu une finale de Ligue des Champions. Deux Coupes du Monde, une gagnée, une perdue, au 2002. Ça fait 2002. Mais non, mais finale la Coupe du Monde. Merci, s'il te plaît. Non, je compte que les finales. Parce qu'il y a 2010. Ah oui. Il gagne un euro. Il gagne. Le mec gagne un euro. Va en finale Ligue des Champions. Un euro les mois où c'est un peu compliqué. Là, tu ferais rire parce que c'était une bonne vanne. Oh, non, j'ai pas écouté. J'étais pas dedans. Un euro le jour. Joue avec le Barça. Joue avec Arsenal. A longtemps joué à Arsenal. A été une idole en Arsenal. Genre le mythe de la statue, tu vois. A été coaché. Ils lui ont fait une statue. Voilà. A été coaché par l'un des plus grands coachs internationaux, qui est Wenger. Tu parles pas à un mec qui sait pas ce que c'est au moins le foot. La seule chose que tu sais pas, c'est est-ce qu'il va savoir transmettre, est-ce qu'il va avoir la fibre pour faire apprendre, pour savoir expliquer quelque chose qui pour lui est évident à quelqu'un pour qui ça ne l'est pas. Genre expliquer, j'ai pas envie de citer John Joueur, mais il pourrait y en avoir une quarantaine à Bordeaux. Comment on fait un contrôle pour qu'il soit. Mais c'est même pas ça. Il a aucune expérience certes en coach numéro 1, mais il y a qu'à voir l'impact qu'il a eu sur les joueurs de la sélection belge. Alors effectivement, les mecs de la sélection belge, c'est pas non plus de Préville, hein, pas, voilà. Mais sur un Lukaku par exemple, qui en parle d'ailleurs très bien, où le gars est rentré dans sa tête, quoi. C'est-à-dire qu'il lui a appris des choses, il a perfectionné sur certains déplacements, sur le fait d'aller, enfin, d'analyser où savoir où se placer, etc. Alors qu'il était déjà très bon, Lukaku. Il est encore meilleur aujourd'hui. Il en est ressorti même bonifié. Donc, je veux dire, c'est pas. Il y a forcément un impact, même si t'as pas d'expérience en tant que coach principal, t'as forcément un impact sur le joueur. Pour ceux qui n'ont pas vu l'interview de Dacour sur Henry, je vous invite vraiment à la regarder et ça vous sur donnera. Canal. Ouais, l'interview sur Henry qu'il avait fait l'année dernière. Oui, il a fait toute une série sur et ça. Et il parle justement de ça, du comment le mental, comment c'est important pour un joueur. Et bon, après, c'est pas important là. Il faut être magicien pour redonner à Depréville le stade du buteur. Mais bon, allez, Marc, conclue. Pour conclure sur ce que disait Cyril. Mais après, où fait ton coup l'aura. Mais non, tu peux pas le jingle. L'aura de putain, il avait pas fait quoi. L'aura d'Henry que ça marche aux États-Unis. Que ça marche en Angleterre, mais c'est hyper important parce que Bordeaux, dans le monde entier, aujourd'hui Bordeaux, son développement, il faut pas le voir à travers la France, parce que typiquement, tu vas vendre à ceux qui sont supporters bordelais, mais tu vas pas conquérir un supporter marseillais. Paris, à part les Footix, tu as joué sur les Footix, tu as joué sur les fans d'Henri, mais c'est pas ça qui te fait progresser. C'est eux qui achètent des maillots. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça qui va te faire progresser financièrement. Par contre, tout le marché américain, on parle Bordeaux qui est une marque connue plutôt de côté vin, mais qui est un nom connu, qui est une marque connue, qui rajoute Henry, qui est aussi médiatiquement hyper connu, même si le football là-bas c'est pas le sport numéro un, mais c'est génial pour Bordeaux, c'est génial pour les Américains qui veulent développer le club. Donc là-dessus, y a pas que est-ce qu'il va savoir coacher. Moi, franchement, je me fais pas trop de soucis savoir s'il va savoir coacher. Par contre, j'ai un gros coup de gueule. Il y aura pas de jingle parce que je l'ai pas. Donc sur ton téléphone. Ben ouais, non, je sais pas. Sur ton téléphone, tu l'as pas. J'ai eu un problème sur mon téléphone, faut que je les remette. Bon, alors, je sais même plus. On a échangé les jingles, putain, tu dailles. Bah, mais sur le CD, il y a pas. Donc le coup de gueule, il est très simple. Il est contre tous ces petits journaleux. Mais j'ai même pas envie de dire que journaleux, parce qu'ils sont pas journaleux en fait. Tous les petits consultants, ceux qui se prévaut de la bonne parole, qui se permettent tout commentaire, qui ne voient que l'aspect négatif. Typiquement, je vais pas taper sur lui, mais il commence réellement à me gaver. Et pourtant, Dieu sait qu'il a raison. Dieu sait qu'il a raison. Mais laisse-moi finir. T'en sais rien s'il a raison. Tu sais pas écouter ce que je vais dire. Dugarry, il nous explique. Oh là là, mais moi je serai Henry. J'irai surtout pas à Bordeaux. Il a aucune assurance de quoi que ce soit. Moi j'irai pas si j'ai lui. Quelle connerie il fait. Donc enfin, là, gros, c'est Maïté là que t'as imité. Ouais, c'est très mal imité. Donc en fait, on lui dit d'arrêter. Dugarry, comprends pas. Bah, son analyse sur le fait que Henry ne doit pas aller à Bordeaux parce qu'il n'aura pas de garantie. À aucun moment, donc là, il voit le verre à moitié vide. À aucun moment, il voit les choses de l'effet inverse en se disant que Henry, il est peut-être pas assez con pour aller dans un club en crise sans garantie. Et peut-être que si Henry signe à Bordeaux, c'est qu'il y a des garanties. J'ai scrollé là pendant l'émission, je regardais un petit peu l'actualité parce que j'ai eu une journée assez chargée et... Tu n'en sais pas plus que lui, ceci dit. Non, j'en sais pas plus. Mais c'est-à-dire que quand tu joues le rôle de journaliste, il est pas sur la mais je m'en fous, il est sur une radio, il est sur un média. Non, c'est pas pareil. Mais oui, mais il est là que pour non, je te dis, et à mon avis, il a des infos plus que toi. Mais il est là juste pour clasher. Mais que dalle, tu les entends parler, le mec de l'équipe TV qui vient te demander des infos à nous. Mais arrêtez, il faut arrêter, ils ont pas plus d'infos, ils bossent pas leur sujet. Tu écoutes, non, laisse-moi finir. T'écoutes l'after, à Bordeaux. Ah oui, Koundé, c'est qui ce joueur? Ah, faut arrêter, ils nous ont fait des émissions tout l'été, ils avaient pas bossé leur sujet, c'est pas comme si c'était nouveau. Donc monsieur Christophe Dugarry, je pense qu'il a aucune info sur les Américains, mais vraiment aucune, parce que ça se saurait. Mais écoute, moi j'en suis persuadé. Ils donnent des avis. Ils ont tous donné leur avis. Charbonnier, il a donné son avis. Marc. Mais non, on leur demande, ils sont payés pour ça. Ok, leur métier, c'est d'avoir une analyse qui est juste. C'est là où tu te trompes. Leur métier, c'est pas de donner un avis biaisé parce qu'ils aiment ou non le club. Mais si, mais c'est pour ça qu'on les paye. Leur avis. Mais oui, mais c'est débile. Donc leur avis. C'est comme ça. Leur avis. Mais écoute. Donc j'ai le droit d'avoir ce coup de gueule, parce que si c'est comme ça et que tu considères que parce que c'est comme ça, c'est donc une vérité. Parce que tu te trompes sur ce qu'on leur demande. Si à ces tu gens-là. Penses que si ta seule réponse dans ton argumentaire, c'est de dire parce que c'est comme ça et mais que donc tu considères, mais c'est quand même ce que t'es en train de dire. Parce que tu te trompes sur ce que tu attends de ces gens-là, des choses qu'on ne leur demande pas. Et voilà, que tu considères que ces gens-là, mais c'est normal, parce que comme on leur attend pas d'être partial, ils ont le droit de pas être du tout partial et de cracher. Alors, juste parce qu'ils ont. Non, laisse-moi finir. C'est bon, je t'ai entendu. Ça fait trois fois que je te laisse finir. Non, tu passes ton temps à couper, à dire que je comprends pas, bon, etc. Donc ces gens-là doivent être partiels, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, comme pourrait le dire, de dire oulala, moi je serai du Gary, j'irai pas sans certitude, etc. Bordeaux est comme un club en crise qui ne marche pas depuis 2010. Tout ça c'est vrai, mais de l'autre côté tu dois aussi pêcher le fait que si jamais Henry y va, c'est peut-être qu'il a des garanties dans un club qui est en train de vendre à des Américains dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Il y a des incertitudes, mais tu te dois d'analyser dans sa globalité et pas juste de prendre la partie qui t'intéresse pour faire du buzz, pour te faire beau. Donc voilà, tu l'auras voulu, tant pis, on va déborder, c'est pas grave. Je vais donc te reciter pas l'intégralité parce que c'est long, mais les principales choses à retenir donc des déclarations de Dugarry. Tu verras que tu te trompes quand il dit je suis ravi, mais il y a quand même un truc qui me gêne, c'est mes copains, parce qu'il parle de Vira aussi à Nice. C'est bien qu'ils soient là, ils amènent du sang neuf. Thierry Henry c'est une légende, bien mieux que Gustavo Poyet pour moi, car Poyet fait une carrière d'entraîneur poussive. Quand il est venu, je n'avais pas compris. Il a tort ou il a raison? Non, pour l'instant il n'a rien dit. Bon. La façon de travailler est un problème dans ce club, c'est sûr et certain. Face à ça, M6 et Monsieur de Taverneau ont décidé de vendre le club et non de le restructurer. Pourquoi pas, mais quelque chose m'interpelle quand même. Si les nouveaux propriétaires doivent valider, il ne faut pas leur mettre un pavé dans la mare. Même si Thierry Henry, c'est un beau pavé, oui. Non, juste, je me pose une question. Est-ce que c'est intéressant de débattre? Oui, ça bah si, oui, parce bah que, si. Parce que, oui, oui. Parce autant que l'analyse du match à l'après-match, qu'on fait 0-0, hein. Il dit, enfin, moi, j'aimerais rapidement qu'on m'explique de la part des dirigeants. Lesquels? En parlant de pour l'instant, il dit rien. Vas-y, continue. Mais en parlant des Américains. Pourquoi on prend Thierry Henry? Si on me dit qu'on le prend pour finir cinquième avec cet effectif-là, je suis mort de rire. Je suis désolé, Marc, moi je suis mort de rire comme lui pour l'instant. Parce que, excuse-moi. Mais pour l'instant, il sait rien. Donc pour l'instant, il sait rien. Donc pour l'instant, il fait juste du buzz. Allez, vas-y, continue. Mais c'est pas faire du buzz, on lui donne son avis. Continue. Tu vois, après, tu dis la mauvaise foi. Continue. Mais vous serez jamais d'accord. Il dit à moins d'un miracle, si Thierry Henry est un génie, l'effectif des Girondins, c'est dixième. C'est entre dixième et quinzième de Ligue 1. Bah, je suis désolé. De Ligue 1, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux à dire ça. Il y a pas scandaleux. Mais Bordeaux n'a jamais fini entre dixième et quinzième à part une saison depuis 10 ans. C'est ça qui est scandaleux. C'est de tenir ce genre de propos totalement débile qui veut rien dire. Bordeaux a été L'effectif de Bordeaux cette année, c'est le même à 2-3 détails près que l'année dernière. C'est le même. Ouais, d'où tu peux dire il manque Malcolm, qui a été remplacé par Colon, que l'on ne connaît pas. Ouais, bah, enfin, remplacé, c'est un bien remplacé. Oui, numériquement. Et va y avoir, non, qu'on ne connaît pas, donc j'ai pas dit s'il avait été bien ou pas bien remplacé. Alors, quand, s'il me fait 10 buts, 10 passes des jeux, Quand Cazerie part, on tient le même discours en disant Malcolm, on ne connaît pas, il vient des États-Unis, etc. Il s'avère que ça a été un bon choix. Donc, avant de juger le remplacement de Malcolm, on va l'analyser. Parce que je pense que Christophe Dugarry ne connaît pas Calou. Laisse-moi finir. Tu veux fait 10 fois à Marc. Tu dois finir. Tu dois recruter un neuf. Non, tu veux me poser une question. Je vais te poser une question. Non, t'as que vous deux. Donc, Bordeaux doit encore recruter un neuf. Donc, sur quel élément tu te bases pour juger qu'un effectif qui a terminé sixième la saison dernière est un effectif qui vaut de la dixième à la quinzième place? Sur quelle analyse footballistique, mise à part du vent, tu te bases? Donc, il est encore en train de cracher pour rien. Pour moi, et tu sais que je t'aime bien, donc ça me fait de la peine de t'entendre, de tenir ce genre de propos. Mais, parce que tu le sais, en fait, que t'as tort au fond de toi, tu le sais. Mais t'as zéro argument, Seb. Oui, en effet, on va arrêter le débat parce que t'as zéro argument. Pour moi, tu fais ce que font 95% des supporters et de Bordeaux et des autres clubs en France qui sont dans une espèce de paranoïa un petit peu, genre dès qu'un mec voilà, alors un coup c'est Dugarry, un coup c'est Rigolo, un coup c'est Menez, un coup c'est Macardi, un coup c'est machin. La mode en ce moment, c'est de dézinguer Dugarry, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, et c'est un enculé et on l'aime pas, donc t'es là-dedans. La paranoïa, ce serait d'inventer des propos. Est-ce que j'invente? Oui, complètement. Quand il dit que Bordeaux est un effectif de 10 à la 15e. C'est son avis et il a le droit de le donner, et tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu n'as pas le droit de dire qu'il dit de la merde, c'est son avis. Bon, de toute façon, mais donc il juge pas. Mais donc il juge pas. Je veux juste qu'il y a lire sur le chat. Je le découvre en même temps que toi. À la lecture, ce qu'il dit. À la lecture de ce qu'il a vraiment dit. Il faut savoir lire. Ouais. Enfin, il y a une différence entre critiquer le passage sur entre 10e et 15e et dire que Dugarry aurait dit que Thierry Henry ne devrait pas venir à Bordeaux. Ce qui est faux, il n'a pas dit ça. Complètement. Non, je ne réagis pas que sur Thierry Henry. Je réagis sur tous les faits que les gens, pour analyser la venue d'Henry, voient que le côté négatif. C'est-à-dire que quand Thierry Henry, c'est pas je suis contre qu'il vienne, bien évidemment qu'il pourrait pas l'être. Enfin, il y a quand même plusieurs journalistes qui ont dit moi je serais Thierry Henry, j'irai pas, à commencer par Pierre Ménez. Mais donc c'est leur avis, ils ont le droit, ils doivent pas le dire ça. Non, mais ils ont interdiction de le dire. Parce que dans leur analyse, et quand ils disent pourquoi, parce que Bordeaux est un club sans ambition. Donc tu as le droit de ne pas être... pas l'ambition Marc, des Américains. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu connais l'ambition des Américains. Putain, mais alors donc pour toi, à chaque fois qu'on devrait parler, même dans cette émission, on devrait parler en connaissance de cause. Non. On est les premiers sauf à le faire. Que quand tu donnes ton avis, sauf que moi je bosse pas sur RMC. Donc quand tu donnes, et je suis pas payé pour ça. Donc quand tu donnes ton avis et que tu commences à dire et à commencer ta phrase par moi je serai Henri, j'irai pas parce que Bordeaux n'a pas d'ambition, tu te bases juste sur le principe que tu ne sais strictement rien. Donc quand tu dis Bordeaux n'a aucune ambition, tu te dois au moins de savoir. Donc moi je dirais plutôt, je conclue ma phrase en disant que si il devait parler en étant partial, il dirait si Bordeaux n'a pas plus d'ambition que ces dernières années et que j'étais anti-Henri, j'irai pas. Par contre, si les Américains me donnent la garantie des ambitions, peut-être que mon jugement changerait. Et là, tu as parlé en connaissant. Mais sauf que ça, c'est je pas te dit. Comprends, c'est pas Marc, dit. Donc, je te comprends. Mais là-dessus. À mon avis, je te comprends et je comprends ton Google. À mon avis, là où tu fais une erreur, c'est que tu, je pense, tu attends des choses de ces gens-là, qu'ils soient Dugarry ou d'autres, mais dont ils ne sont pas payés pour faire des analyses rationnelles et logiques avec des infos vérifiées, recoupées. Ça fait Ça fait 20 ans que c'est comme et ça. Et ben voilà, ils sont payés pour dire ce qu'ils pensent. Et ben c'est juste. Si je peux juste dire un truc, moi, j'ai vu que ça a été marqué sur le chat. Ouais. Je trouve, et je crois que Marc l'avait dit vendredi, je trouve quand même un peu scandaleux que le club n'invite pas ses abonnés pour le pour le match sur retour d'Europa League. 15 balles. Moi je m'en fous, je veux dire on va payer. Passion, le truc c'est que je trouve dommage d'avoir fait les efforts sur deux matchs. Je trouve que sur un troisième match où il va pas y avoir non plus foule, je pense que le club aurait pu s'économiser. Ça fait partie d'une je vais être court. Tout ça fait partie d'une campagne de communication aussi, parce que j'ai le souvenir que à la fin de saison dernière, Nicolas Taverneau, nous dit on va essayer de reconquérir le public, on va mettre des choses en place, etc., etc. Les supporters qui ont envie d'aller au stade voir ce match vont payer 15 euros de toute façon. Et 17 balles pour les non-abonnés. Mais je trouve ça, oui. Et encore, les non-abonnés qui payent, c'est un peu normal. Mais les abonnés, je pense qu'on aurait pu faire un effort là-dessus. Je trouve que c'est lamentable de la part d'un club comme les Girondins de Bordeaux, qui est normalement dans une politique de reconquête. Et surtout que les abonnés, alors à ce qui paraît, ça va augmenter avec Thierry Henry. J'attends de voir ça. Toujours est-il que je pense que les abonnés, c'est quand même le vivier et le cœur même des supporters qu'il faut fidéliser. Parce que chaque année, il y a beaucoup de supporters, et moi j'en connais quand même pas mal, et je pense qu'on est autour de la table tous abonnés, donc la plupart sont abonnés. Je suis désabonné. Et donc du coup, on connaît aussi ce problème-là, c'est que depuis quelques années, il y a aussi une fuite du nombre d'abonnés. Se stabilise parce que les abonnés, les cartes, on les donne, pas quasiment, certains, pour faire croire qu'ils sont abonnés, mais bon, passons. Et je pense que pour fidéliser les abonnés, il y a aussi des opérations de promotion et de communication. Si on pouvait laisser aussi choisir les places aux supporters, ça serait pas mal. Et surtout après cet épisode de place là, de réattribution de place. Ouais. Ah, moi, oui. Sorti de ma place, donc c'est pour ça que je me suis pas abonné. Voilà. Là, je crois, mon petit, que tu vas prêcher dans le désert tout seul, parce qu'à mon avis, je crois qu'on était 300 ou 400, donc. Faites un truc de gens pas contents. La plupart sont allés en face. Sur ce problème-là, parce que c'était un problème de, il y a eu des changements de tarifs dans les catégories du stade, puisque le club a voulu mettre 4 configurations possibles en fonction de l'affluence pour éviter les vides face aux caméras. Et donc du coup, il y a des abonnés qui étaient là depuis l'ouverture du nouveau stade dans ces zones-là, et qui ont été déménagés parce que les tarifs ne correspondaient plus à ce qu'ils payaient la saison d'avant. On passait des fois du simple au double, exactement. Alors, le prix c'est la même chose. Donc ils faisaient un effort sur la première année. Après, le gros problème qu'il y a, c'est le soleil. Mais voilà, les conditions sont pas les mêmes. Donc le club a contacté ces gens-là. Si on était supporters strasbourgeois, on serait pas emmerdé par le soleil. Le club a contacté ces gens-là pour les relocaliser dans d'autres parties du stade. Voilà. Mais je pense que d'un point de vue commercial, C'est pas une bonne en termes de com. C'est pas bon. Et je pense que faire payer 15 euros à tes fidèles supporters, ceux qui ont les, enfin ceux qui ont la chance de pouvoir venir tous les jours, enfin à chaque match à domicile, supporter ton équipe. Je trouve que faire payer 15 euros pour un pauvre match d'Europa League de barrage contre la Gantoise, que tu fasses payer 15 euros contre Liverpool, ça me fou. Mais 15 euros sans contre compter la ceux qui sont pas sur Bordeaux et qui en plus vont devoir se taper, pourquoi pas des fois l'autoroute si t'es dans les Landes ou si t'es un peu ailleurs, l'essence et la bouffe. C'est le double discours, c'est-à-dire que tu fais payer 15 balles à tes abonnés. Et d'un autre côté, tu leur dis, ouais, les gars, vous inquiétez pas, cette année vous allez être choyés. Voilà. Ouais, mais ça fait chier. Bah écoute, je te rejoins, et puis ainsi que Marc également sur ce coup de gueule. Bien, messieurs, on a commencé en retard, donc on finit en retard, c'est normal. Largement. Largement. Bon, on a commencé 10 minutes en retard, on finit 20 minutes en retard, ça va. On a bien débat, oui, mais c'est pas grave. C'est vendredi, on kiffe. Mais ce débat-là, vous pourrez l'avoir. Mais faudrait faire un vrai débat heures. Sur ça, ouais. 3 on heures que sur ça pendant 3 heures. Là, non, là je pense qu'on finit, on s'entretue. Ouais. Bien, messieurs, il me reste. Il y a combien Lyon Strasbourg 1-0. 1-0 pour de Terrier. Et une soirée Ligue 2 tout pourri avec 8 buts en 10 matchs et donc 4 sur le même terrain. Que fait Nancy? Ah bah j'ai plus le panneau mais voir tout ça. Se sont inspirés de Bordeaux hier. Ah ouais non mais 0-0. C'est d'habitude la Ligue 2 ça score un peu mais là c'est pas terrible. Bien messieurs, merci Thibaut, merci Thomas, merci Marc, merci comment s'appelle-t-il Adrien. Merci. Merci Enzo, merci Cyril. Donc on vous le répète et on vous le tiendra émission dimanche. Émission dimanche juste après le match. Laissez-nous le temps d'arriver en studio de nous foutre en place quand même. Non, on va dire à Julien si on peut les appeler en direct sur Gol, ça serait juste énorme. Bah, on essaiera de caler si non, c'est faisable. C'est on demandera, ça coûte rien de demander. Oui. Il nous dit non. Donc sur les coups de 7h15, 7h30, branchez-vous à partir de 7h15 sur vos transistors. C'est le mec un peu old school, tu sais. Branchez la TSF. Sur les coups de 7h15, 7h30. Alors on sait pas trop combien de temps on va le faire, mais ça dépendra aussi peut-être du match. Une heure au moins. Voilà, au minimum une heure s'il se passe des trucs. Communiquer ça tout ça sur les réseaux sociaux. Vous aurez Cyril, au moins Cyril et Enzo, peut-être un troisième qui sera en direct du stade pour partager vos réactions. Troisième, parce qu'on aura qu'un téléphone, il faut arrêter de déconner quand même. Et bah Cyril et Enzo, déjà c'est bien. Deux envoyés très spéciaux. Ça sera relayé sur les réseaux sociaux et Jérôme33.com. Nous on rend l'antenne, bonne soirée. Voilà. C'est exactement là où je voulais en venir. Merci à vous tous. Donc on se retrouve dimanche après Bordeaux-Monaco sur les coups de 7h30. Et nous, on va peut-être pas partir de suite parce qu'il faudrait qu'on prépare l'émission. Oh la vache. Tout à fait. J'ai Harrods. Non, on va déjà préparer dimanche. Et puis. Ok, allez, voilà. Bonne soirée. Allez, merci à vous. Donc on se retrouve. On souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon match dimanche. Et on se retrouve dimanche à 7h30. Bonne soirée. Oh, les phrases de fin, j'ai oublié. Claude Bèze, jamais le premier. Thomas, t'en as trouvé une ou pas depuis la dernière fois? Ouais. Allez, vas-y, vends-moi du rêve. Henri, faut vraiment que tu viennes pour aider nos attaquants à marquer. Trop long, mais pas mal. Marc. Si on les prend pas pour les Indiens, on les mettra sur le grill. Ah, ça, c'est très mauvais. Comment t'as pu oser faire ça à RMC? C'est très simple, j'expliquerai. Oui, non, mais j'ai compris, mais c'est. En route pour Bakou. Voilà. Ouais. Rapide, moi, efficace. Pas. Canai Joe. Voilà, Cyril aussi efficace. Ça, c'est pareil, toujours pareil. Didier Sénac, voilà. C'est musique. Ah, t'as deux secondes pour que je t'explique? Non. Oui, mais c'est. Hors micro, allez. Non, mais. Bonne soirée, les gars. C'est comme dans Kaamelott. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague, en fait. Non, mais tu vois. Allez, on s'explique dehors. Merci à vous tous. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon match. Et allez, Bordeaux.